bonjour à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2 Paris-Île-de-France, la radio ici et maintenant que vous pouvez écouter et regarder, bien entendu via internet, le site de la radio ici et maintenant.com. Laurent avec vous aujourd'hui, non pas pour une revue de presse, mais avec deux invités pour nous parler d'un film, et oui. Avec nous sur le plateau, nous accueillons Yann Roulas pour Jupiter Film Production. Yann, bonjour. Bonjour Laurent. Très heureux de t'accueillir dans nos locaux. Et nous avons avec nous le réalisateur Peter Arthur Straubinger, si mon accent est bon. Peter. Bonjour, bonjour. Bonjour Peter. Malheureusement, je ne parle pas le français. Deshalb wird Jan für mich übersetzen. C'est pourquoi je vais traduire de l'allemand vers le français. Voilà, alors d'abord on peut parler de Jupiter Film Production. Vous êtes connu pour notamment avoir mis en avant le film Mille arrêts pas, qui est en tout cas peut-être votre film emblème pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément. Ce film était paru sur les salles de cinéma, il avait vraiment beaucoup marché. Tout à fait, c'est le troisième film du Bhoutan, et dans des conditions extrêmement difficiles, en tout cas au démarrage, il a à l'arrivée été montré dans une soixantaine de cinémas en France, et obtenu autour de, en tout cas, plus de 20 000 entrées, ce qui le place dans la première moitié de tous les films distribués en 2009. Nous sommes effectivement dans une ligne de films spirituels qui cherche à enrichir le spectateur par des informations ou un apprentissage pour un enrichissement personnel. Alors effectivement, ceux et celles qui ont été voir Mille arrêts pas, puisque c'est un des enseignants de la culture bouddhiste tibétaine le plus répandu, je dirais, et qu'il était porté au film. En tout cas, c'est un film en deux parties, sachant qu'il y a la deuxième partie qui devrait sortir d'ici peu. Oui, elle est en production et on y travaille énormément avec le temps qui nous reste. Bon, en tout cas, c'est un grand plaisir de t'accueillir, Yann. D'une part, parce qu'on va avoir l'occasion de parler d'un film incroyable. Lumière, c'est le titre de ce film qui va sortir là prochainement dans les salles. Incroyable, tu l'as dit, non ? Il est sorti depuis hier. Nous avons la chance d'avoir trois écrans à Paris. Il est montré tout en haut des Champs-Élysées au Publicis, au Charles Chaplin cinéma rénové dans le 15e, et nous avons eu la première hier soir, et également à l'Arlequin où il est montré depuis hier aussi, et nous avons une grande première avec débat ce soir à 20h30 à l'Arlequin, donc dans le 6e arrondissement à Paris, et pour donner l'adresse exacte, cela se passera au 76 rue de Rennes. J'invite vraiment tous les auditeurs, pour avoir vu ce film, à aller le voir, si tant est que vous êtes un tant soit peu curieux. Parce que ce film, après l'avoir vu, je l'ai vu hier soir pour que ça soit bien frais, et il m'est apparu que cela commence avec, je dirais, un reportage alors classique, entre guillemets, un homme, Peter, qui se pose des questions sur ceux et celles qui vivent du prana, de la lumière, lumière du soleil ou lumière pranique, en tout cas, voilà, la question de départ, elle est là, et de rencontres qui se poursuivent, de personnes qui ont tenté cette expérience, qui vivent à l'heure actuelle de ce prana, de ce chi, de cette lumière, ou encore de une vision différente de toutes les cultures autour du globe, de ceux et celles qui ont une compréhension plus ou moins de comment peut-on vivre sans boire, ni manger, ou alors juste en buvant. On va avoir l'occasion de parler de ça. Je te laisse faire la traduction, bien entendu. Tout à fait. Juste pour enchaîner, effectivement, le film est une enquête de Peter Arthur Straubinger, le réalisateur à côté de moi, qui a recherché pendant 10 années les informations sur ce sujet. Et le film montre 4 années d'enquête filmée sur 5 continents. Er sagt, dass dieses Subjekt eine Forschung von dir ist über die Leute, die in der Welt ohne also von sich von Lichtnahrung ernähren. Licht ist natürlich, muss ich gleich von vornherein sagen, missverständlich, weil es eben nicht um das physikalische Licht geht. Alors d'emblée, Peter dit qu'il faut préciser qu'il ne s'agit pas, ces personnes vivent du prana ou de lumière, mais il faut écarter l'équivoque autour du mot lumière. Ce n'est pas la lumière physique. Es ist sozusagen nicht so, dass diese Menschen keine Nahrung zu sich nehmen. C'est pas comme si ces gens n'absorbaient aucune nourriture. Sondern sie nehmen die Lebensenergie, das was in Indien Prana bezeichnet wird, in China Qi. Mais ils absorbent l'énergie qui est appelée Prana en Inde ou Qi en Chine. Sie nehmen das direkt auf und deshalb brauchen sie nichts zu essen. Qu'ils absorbent directement, c'est pourquoi ils peuvent se passer de nourriture physique. Und ich möchte aber ganz klar jetzt vorweg schicken in dieser Diskussion, dass ich nicht Propaganda für Lichtnahrung mache. Mais pour commencer, ich voudrais explicitement affirmer que le film n'est pas une propagande pour arrêter de manger. Ich esse sehr gerne. Peter mange avec un grand plaisir et délectation. Und es gibt genug Nahrungsmittel für alle Menschen auf dieser Erde. Et selon Peter, il existe assez de nourriture pour tout le monde sur Terre. Menschen verhungern deswegen, weil es ein Verteilungsproblem auf der Erde gibt. Et des hommes meurent de faim tous les jours parce qu'il existe un problème de distribution de la nourriture. Mich hat interessiert, dass wenn es nur einen einzigen Menschen auf dieser Welt gibt, der sozusagen ohne feststoffliche Nahrung leben kann, dann ist es eine unglaubliche wissenschaftliche Herausforderung. Il est évident que si il existe un seul cas dans le monde d'une personne qui est capable de se priver de vivre sans nourriture physique, la conséquence est un challenge, une provocation incroyable pour la science. Dann stellt das klassisch materialistische Weltbild in Frage und darum ist es mir gegangen. Qui remet en question tout le modèle scientifique, mécanique, matérialiste actuel. Alors là-dessus, le film, pour moi, alors je disais qu'il commençait comme une enquête, bien entendu, c'est une enquête, et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du film en lui-même, j'en arrive à, bien entendu, à aborder la conscience, l'esprit, et bien entendu, on en arrive, et j'ai vu l'écho tout de suite, mais comme quoi tout est uni à What the Bleep Do We Know. C'est exactement cette filiation qu'on peut retrouver à la fin, et notamment comme conclusion, puisque Peter, tu vas faire un tour sur les biophysiciens, qu'est-ce qu'ils en ont retiré à l'heure actuelle de ces recherches, de ces études sur la conscience, sur l'esprit, le pouvoir de l'esprit. Deine Forschung über dieses Subjekt hat dich dazu gebracht, dich mit dem Bewusstsein zu beschäftigen. Was bringt zum Beispiel die Biophysik im Verhältnis zum Bewusstsein zu diesem Thema bei? Es geht darum, dass der Bewusstseinsforscher Dean Radin sagt, Bewusstsein ist ein ordnendes Prinzip. Il s'agit, comme l'explique Dean Radin, un scientifique qui s'occupe de la recherche sur la conscience, et il définit, ce scientifique, que la conscience est un principe qui ordonne. Ein ordnendes Prinzip, das die Materie ordnet. Un principe qui met la matière dans un ordre. Wenn das Bewusstsein den Körper verlässt, zerfällt er sehr schnell wieder in uninteressante materielle Aspekte, in Staub. Entschuldigung, der Anfang? Wenn unser Bewusstsein den Körper verlässt. Lorsque la conscience quitte notre corps, celui-ci se désintègre et l'ordre est perdu. In, Gleicherweise sagen die Biophysiker, de même les biophysiciens disent, nicht alle Biophysiker, manche Fritz Albert Popp in meinem Film zum Beispiel, dass das Nährende in der Nahrung ist die Information, die ordnende Information, die von der Sonne ausgestrahlt wird und in den Pflanzen gespeichert wird. Notamment Fritz Albert Popp, qui est un biophysicien qui s'exprime dans le film, est le découvreur des biophotons, partie intégrante de toute cellule, qu'il a découvert dans les années 90, et qui affirme que... Entschuldigung, ja, was? Er sagt, das Nährende in der Nahrung... Et qui dit que la substance nourrissante dans l'alimentation ist die kohärente Energie, also die ordnende Information, die et l'information ordonnée, die von der Sonne ausgestrahlt wird und in den Nahrungsmitteln, in den Pflanzen und indirekt in den Tieren gespeichert wird. Émise par le soleil et qui est mémorisée, enfin qui est synthétisée dans les aliments par la photosynthèse ou d'autres absorptions. Und er sagt jetzt zum Beispiel, et il dit, wenn wir die chemische Formel von Zucker aufteilen, si nous décomposons la formule chimique du sucre, dann lässt sich die aufteilen in H2O, also Wasser. On peut la décomposer en H2O, donc de l'eau. Und CO2, also Kohlendioxid. Et CO2, donc dioxyde. Das eine verlässt den Körper über die Atmung. L'un quitte le corps par la respiration. Das andere über die Ausscheidung. L'autre par les selles. Was zurückbleibt, ist ce das Licht. Reste est la lumière. Das heißt, Fritz Albert Popp sagt, ce qui veut dire que Fritz Albert Popp dit, wir leben weniger, also wir leben weniger von den stofflichen Substanzen, sondern von der Information, die in der Nahrung ist. Nous vivons pas tellement du contenu matériel, oui, des aliments, oui. Voilà, mais de l'information contenue sous forme de photons. Und das macht jetzt die Brücke sozusagen. Es geht um ein ordnendes Prinzip und offensichtlich gibt es Menschen, dafür gibt es harte Fakten, die sozusagen dieses ordnende Prinzip direkt aufnehmen, ohne über den Umweg über die Nahrung. Et c'est ceux qui jettent un pont vers le phénomène des gens qui arrivent à absorber directement ce principe d'ordre, ordonnant, et qui peuvent se priver de nourriture. Und für diese direkte Nahrungsaufnahme gibt es eine lange Tradition. Pour ce processus de pouvoir vivre sans aliments physiques, il y a également une longue tradition dans le monde. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. In der chinesischen medizinischen Tradition wurde schon vor tausenden von Jahren beschrieben, wie man diese Lebensenergie direkt in den Körper zuführen kann. Und dans la tradition médicale chinoise, il y a une tradition millénaire qui décrit avec précision comment on peut absorber. Alors, je mets un point pour l'instant, puisque j'aimerais pas qu'on arrive tout de suite à la conclusion, bien entendu, mais j'aimerais essayer de saisir le processus que Peter a suivi pour réaliser ce film. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que je me suis posé la question sur la motivation de Peter à vouloir réaliser ce film. Déjà, d'une part, comment il en est arrivé à découvrir ce sujet ? Parce que très peu de gens ont connaissance que des gens à la surface de la Terre vivent de cette lumière, entre guillemets. Er möchte nicht sofort zum Endschluss kommen, sondern dich vorher fragen, wie du zu diesem Subjekt gekommen bist. Ja. Also ich muss vorausschicken, ich bin jetzt 40 Jahre und bis 25 hatte ich mit spirituellen Dingen überhaupt nichts am Hut. Pour commencer, ich voudrais rendre public qu'il a maintenant la quarantaine et que jusqu'à l'âge de 25 ans, il ne s'est absolument pas préoccupé de choses d'ordre spirituel. Ich habe mich dann so in den 90ern bisschen mit Yoga und Meditation beschäftigen begonnen. Dans les années 90, il a commencé à s'intéresser au yoga, à la méditation. Und ich habe dann im Frühjahr 2000 einen Meditationslehrer kennengelernt. Et au printemps 2000, il a rencontré un professeur de méditation. Von dem habe ich erfahren, dass er nichts isst. Und zwar damals war das über ein Jahr, dass er nur Wasser trinkt. Qui lui a affirmé ne plus manger et ne boire que de l'eau depuis un an. Ich habe vorher noch nie jemanden getroffen, der mir das erzählt hätte. Und das hat mich sehr bewegt. C'est la première fois qu'il a rencontré quelqu'un qui ne mangeait plus et ça l'a beaucoup touché. Und ich habe keinen Grund gesehen, warum er mich anlügen sollte. Il n'a pas non plus trouvé de raison pour laquelle il lui mentirait. Gleichzeitig war ich aber sehr skeptisch. En même temps, enfin parallèlement, il était très sceptique. Ich habe mich gefragt, wenn es dieses Phänomen wirklich gibt, wieso ist es von der Wissenschaft nicht anerkannt? Et s'est demandé si ce phénomène existe réellement, pourquoi il n'est pas reconnu par la science? Wenn es dieses Phänomen wirklich geben müsste, müssten sich doch Dutzende Universitäten damit beschäftigen. Et si ce phénomène existait, mais des douzaines d'universités s'intéresseraient à ce sujet. Oui, c'est logique. Und dieser Widerspruch hat mich einmal dazu bewegt, mich privat damit zu beschäftigen. Einerseits, dass ich... C'est cette contradiction qui l'a motivé à s'intéresser personnellement à ce sujet. Ich habe dann 5 Jahre privat recherchiert. Ich dachte damals noch überhaupt nicht daran, einen Film daraus zu machen. Et pendant 5 ans, il a fait des recherches personnelles sans jamais penser en faire un film. Und ich habe dann im Internet recherchiert, viele Bücher gelesen. Und ich habe gesehen, dieses Phänomen gibt es in allen Kulturen zu allen Zeiten. Et il a découvert lors de cette recherche préalable sur Internet, il a lu énormément de livres et a découvert que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dieses Phänomen gibt es in China, dort heißt es Bigu. Il existe en Chine et s'appelle Bigu. Bi veut dire sang et gu, les 5 graines, donc sang, nourriture. In China, in Russland, auch bei uns in der christlichen Tradition. Même dans la culture de l'Est. Der Schweizer Nationalheilige Nikolaus von Flüe, der auch im Film vorkommt, soll die letzten 20 Jahre seines Lebens nichts gegessen und nichts getrunken haben. Le saint national suisse Nicolas de Flüe, qui est également dans le film, aurait vécu les 20 dernières années de sa vie sans manger ni boire. Es gibt auch hier in Frankreich, Marthe Robin zum Beispiel, war eine Frau, die nichts gegessen haben soll. Ou en France, Marthe Robin, qui est une femme qui aurait vécu sans manger. Und ich habe gesehen, dass auch die Skepsis eine sehr lange Geschichte hat. Also schon der gelbe Kaiser in China hat Menschen, die behauptet haben, hat Qigong-Meister, die behauptet haben, dass sie nichts essen, einsperren lassen in Holzzellen. Mais il a également découvert que les sceptiques ont également une très longue tradition. Et il a découvert que l'empereur jaune en Chine a fait enfermer des maîtres Qigong qui affirmaient vivre sans nourriture physique, les a fait enfermer pour vérifier s'ils disaient vrai. König Ludwig von Bayern hat die Wassertrinkerin von Fransdorf einsperren lassen. Louis II de Bavière a fait enfermer la buveuse d'eau de Fras en Bavière pour vérifier si vraiment elle ne buvait que de l'eau. Die Therese Neumann von Konnersreuth. Le cas le plus important et le plus convaincant, qui a fait l'objet d'une publication scientifique à l'époque, est certainement le plus affirmatif. Elle vivait sans manger ni boire, Thérèse Neumann, en recevant les stigmates, de surcroît. Et des stigmates. Und es gibt auch in der heutigen Zeit, habe ich dann gesehen, das indische Militär und das chinesische Militär hat mit modernsten Mitteln solche Untersuchungen gemacht. Aujourd'hui, le ministère de la Défense en Inde et en Chine ont conduit des recherches poussées sur ce phénomène aujourd'hui. Und wenn man jetzt im Internet schaut, also ich habe gesehen, die Suppe wird immer dicker. Et lorsqu'on cherche sur Internet, la soupe s'épaissit. Aber gleichzeitig, man findet 10 Seiten, die dafür sprechen und 10 Seiten, die dagegen sprechen. où l'on découvre 10 pages qui explicitent plutôt positivement ce phénomène, mais également 10 pages qui affirment le contraire. Und 2005 bin ich dann zum Entschluss gekommen, ich will Informationen aus erster Hand. Ich will das selbst herausfinden, was ist da wahr. Par conséquent, Peter s'est dit en 2005, il faut que j'ai des informations de première main. Alors là-dessus, ces informations, est-ce que Peter est allé les chercher uniquement suite aux différents éléments qu'il avait récoltés, glanés sur Internet? Parce que partir sur 5 continents, trouver les contacts, je pense notamment à cette femme en Russie qui elle aussi a arrêté de boire et de manger, Zainada Baranova, qui est russe. Voilà, c'est une femme qui vit dans une petite ville, faut la trouver, c'est cette femme-là. Donc la question qui se pose, c'est comment, sur 5 continents, a-t-il trouvé les personnes, les contacts, pour pouvoir faire son enquête? Als du damit angefangen hast, wie hast du die Kontakte gefunden, weil diese Zaina zum Beispiel in der Ukraine ja in einem ganz kleinen Dorf lebt. Wie bist du zu den gesamten Experten gekommen? Diese Informationen habe ich nicht sofort am Anfang gehabt. Es war einfach, wie gesagt, dadurch, dass ich mich 10 Jahre mit diesem Thema beschäftigt habe, bekommt man immer mehr Informationen, man trifft immer mehr Menschen und es... Il n'a pas eu ces informations d'un seul coup, mais au cours de toutes ses recherches, c'est petit à petit que l'un a conduit à l'autre et qu'il a pu les interviewer à partir de 2005 directement. Alors la question suivante, c'est au vu de ces nombreux saints, notamment dans la tradition judéo-chrétienne, de ces personnes qui arrivent à vivre, alors soit en ayant les stigmates ou pas, mais qui vivent sans manger de nourriture physique, déjà, on a un bagage historique là-dessus. Donc c'est intéressant de noter qu'au jour d'aujourd'hui, même nos scientifiques, on parlait de Thérèse de Man qui est la plus connue, ne valident pas ce genre d'expérience, si ce n'est pour leur accorder l'étiquette de saint ou de sainte. C'est quand même déjà étonnant que le regard scientifique, par rapport à ça, ne remette pas en cause le fait que l'homme aurait peut-être des capacités ou des possibilités de vivre autrement ou de consommer l'énergie autrement. Anhand dieser Heiligen, die ja von der Wissenschaft auch nicht richtig untersucht werden, sondern im besten Fall nur Heilige werden, geheiligt werden, hat sich die Wissenschaft noch nicht damit beschäftigt, dass der Mensch besondere Fähigkeiten, Kapazitäten hat. Leider viel zu wenig. Es gibt zwar ein paar Untersuchungen, wie eben das indische Militär gemacht hat oder das chinesische, aber es gibt viel zu wenige Untersuchungen warum das in diesem Bereich. Ja, wer macht medizinische Forschung? La question est de savoir qui finance les recherches médicales ou scientifiques. Eben hauptsächlich die pharmazeutische Industrie und die ist natürlich nicht interessiert an solchen Phänomenen. Die pharmazeutische Industrie ist auch nicht daran interessiert an Geistheilung, weil man nichts verkaufen kann damit. C'est principalement l'industrie pharmaceutique qui finance les recherches médicales en majeure partie partout. Et eux n'ont malheureusement aucun intérêt économique, c'est le seul qui les motive, on peut le dire, et qui n'ont aucun intérêt à faire conduire ces recherches dans un sens qui ne rapporte pas grand-chose. Ni de guérison spontanée, ni d'autres domaines de recherche. Und solche Untersuchungen sind natürlich sehr, sehr teuer. Et des recherches de cette sorte sont évidemment assez coûteuses. Und die einzigen, die dann noch interessiert dran sind, ist das Militär. Et les seuls qui sont encore intéressés sont les militaires. Incroyable. Die wollen das natürlich nutzbar machen. Qui also, veulent l'exploiter à leur propre... Die machen das nicht aus Eigennutz. Ils ne le font pas pour des buts... Und insofern sind auch diese Argumente, die man da im Internet findet, dass das sozusagen, dass sich da nur ein Arzt wichtig machen will oder so, allein schon vom finanziellen Standpunkt aus dumm. On peut déduire que l'argument qu'on trouve sur Internet disant que c'est par exemple l'étude de Yanni Prahlad en Inde par le docteur Sudhir Shah ne serait conduite que pour valoriser le médecin qui cherche à se mettre en avant. C'est une affirmation sans fondement parce que bien évidemment quelqu'un paye pour tout ça. Il y a eu En tout, lors de cette analyse, en Inde, 35 médecins, il faut les payer, l'hôpital, tous les tests, etc. Les militaires, évidemment, ont un intérêt et ne le font pas pour valoriser un médecin. Oui, c'est ce que j'avais vu sur l'actualité Yahoo, où justement l'armée attendait à ce qu'on puisse comprendre, découvrir pourquoi cet hindou, ce yogi hindou, arrivait à ne vivre que de lumière, entre guillemets, et ce, à des fins militaires pour ses soldats. Laurent hat gelesen, dass das Militär in Indien einen Vorteil daraus sucht. Klar. Wie Jani Pralat nur von Lichtnahrung leben kann. Klar, die wollen das nutzbar machen. Und die geben nicht umsonst hunderttausende Dollar aus für diese Studien. Es gibt harte Fakten, die dafür sprechen und die wollen sein Geheimnis finden. Tout à fait, Laurent. Ces militaires, qu'ils soient chinois ou indiens, cherchent à percer ce secret pour en tirer un avantage. Ich persönlich glaube nicht, dass das so einfach geht, dass man da jetzt so schnell das Geheimnis finden wird. Peter ne pense pas qu'il est si simple de trouver rapidement ce secret et d'en profiter. Ich glaube, es ist ein Bewusstseinsphänomen. Et Peter pense que c'est un phénomène de la conscience. Ich glaube nicht, dass das Geheimnis in den Genen steckt. Il ne pense pas que ce secret est dans les gènes. Alors là-dessus, différentes rencontres avec des personnes très intéressantes dans ce documentaire, dans ce film, notamment alors avec peut-être la plus emblématique de celles qui à l'heure actuelle mettent en avant le fait qu'on puisse vivre uniquement de prana, de ki, en absorbant uniquement de l'eau. Alors pour qu'on soit bien d'accord, avant d'aborder le nom de cette personne, j'aimerais que Peter puisse nous expliquer dans quelles conditions un être humain à l'heure actuelle peut vivre sans boire et sans manger. Qu'on puisse faire ce rapport. On peut tenir combien de temps sans manger? Kommt jetzt auf die verschiedenen Personen zu und besonders eine Person, die ohne Essen, aber mit Wasser lebt. Und bevor aber den Namen sagt, möchte von dir hören, wie steht das eigentlich mit der Nahrung? Wie lange kann man ohne Nahrung leben? So was die Schulmedizin sagt. Ja, und besonders mit dem Urinieren. Ja, also es ist so, ohne Essen, wenn man trinkt und auf die Toilette geht, dann sagt die Schulmedizin derzeit, dass man 2 bis 3 Monate je nach Fettreserven überleben kann, wenn man genug trinkt und uriniert. La médecine traditionnelle académique affirme que à partir du moment où l'on boit et qu'on urine, on peut rester jusqu'à 3 mois sans manger à partir du moment où on a assez de réserves en graisse. Voilà. Ohne trinken, aber mit urinieren. Sans boire, donc en plus, hein, sans manger ni boire, mais en urinant, on peut. Kann man je nach Umständen, also je nachdem wie viel Luftfeuchtigkeit und Temperatur, 10 bis 15 Tage überleben. On peut survivre selon les conditions environnementales, à savoir l'humidité de l'air, etc., tenir jusqu'à 10-15 jours, mais en urinant. Ohne trinken, ohne urinieren, ohne essen, stirbt man nach etwa 5 bis 6 Tagen, und zwar durch Selbstvergiftung mit harmpflichtigen Substanzen im Blut. Sans manger, ni boire, ni uriner, on peut tenir maximum 5 jours au bout desquels on meurt, non pas par la privation, mais par un auto-empoisonnement des substances urinaires qui passent dans le sang et qui sont fatales un maximum de 5 jours. D'accord, alors cela étant établi maintenant, qu'on voit dans quelles conditions nous en tant qu'êtres humains, quelles sont nos limites avant qu'on aborde ce sujet incroyable que des êtres humains puissent vivre sans boire, sans manger, ou alors uniquement en buvant. Nous allons voir ça. La première ambassadrice, s'il en est, c'est cette Australienne, Jasmine, que nous avions eu l'occasion d'accueillir dans nos locaux. Alors, Jasmine, qui n'arrête pas de tourner à travers le monde pour faire part du respirianisme. Le respiranisme, donc là aussi, est-ce qu'on peut parler d'une doctrine? Est-ce qu'on peut parler d'un art de vivre? Est-ce qu'on peut parler d'une expérience pour ceux et celles qui se lancent dans ce... Alors, mouvement, je le mets entre guillemets. Nachdem wir nun etabliert haben, wie, in welchen Bedingungen man diese Lichtnahrungsprozess angehen kann, möchte er über Jasmin sprechen, die auch hier im Studio war. Und ist das eine Bewegung, denn sie propagiert das ja, sie war eine der ersten, die das propagiert hat. Und Et donc de savoir dans quelle mesure est-ce que ceux et celles que Peter a rencontrés décident de se lancer à faire ce respiranisme qui s'étale sur 21 jours en tout cas pour se lancer, de quelqu'un qui mange comme vous et moi au quotidien et qui décide de tenter l'expérience, cela se fait sur 21 jours. Et de ceux et celles donc, qui ont entrepris, expérimenté, qu'est-ce qui les a poussés? Jasmin propagiert also diesen 21-Tage-Prozess. Nicht mehr. Aha. Und was hat die Leute motiviert, dies zu verfolgen? Ja. Ich möchte gleich vorweg schicken, der 21-Tage-Prozess, ich persönlich halte ihn für gefährlich. Ich würde auch niemandem empfehlen, diesen Prozess zu machen. Il voudrait dire avant toute chose qu'il pense que ce processus de 21 jours comporte des dangers. Il ne pense pas qu'il faille recommander aux gens de suivre ce processus de 21 jours. Und auch die Jasmin empfiehlt ihn nicht mehr. Et même Jasmin ne propage plus l'idée de suivre ce processus de 21 jours. Weil dieser Prozess in der Tat sehr gefährlich sein kann. Parce que ce processus peut effectivement révéler des dangers. Durch diesen Prozess sind mehrere Menschen gestorben. Es wird auch in meinem Film gezeigt. Par ce processus, il y a eu plusieurs morts et le film attire l'attention sur ce fait. Und Jasmin sagt auch selbst, dass sie den Fehler gemacht hat, dass sie das zu leichtfertig empfohlen hat. Et Jasmin déclare elle-même qu'elle a propagé cette idée un peu rapidement. Et qu'elle a peut-être recommandé un peu trop rapidement, un peu trop légèrement, l'idée de suivre de vouloir arrêter de manger. Es hat bei manchen Menschen offensichtlich funktioniert. Toutefois, chez certains individus, cela a fonctionné. Bei den meisten nicht. Mais chez beaucoup, ça n'a pas vraiment fonctionné. Es ist sicher eine hochinteressante Erfahrung. Viele tausend Menschen haben diesen Prozess durchgeführt. C'est certainement une expérience très intéressante et des milliers de gens ont traversé ce processus entièrement. Die haben den Prozess auch überlebt, also es sind nur sehr wenige Menschen dabei gestorben. Et ont survécu au processus, parce qu'en fait, on ne connaît que 3 morts. Aber die meisten, fast alle, also ich würde mal sagen, über 90% davon haben ganz normal wieder zu essen angefangen oder in der einen oder anderen Form. Mais ils pensent plus de 90% des gens qui ont traversé ce processus ont recommencé à s'alimenter. Und meine Beobachtung ist, et son observation est, dass alle Menschen, die das dauerhaft betreiben, que tous les gens qui suivent cela d'une manière permanente, haben das sozusagen nicht mit bewusster Absicht gemacht, haben nicht irgendein bewusstes Ritual gemacht, sondern es ist ihnen passiert. Eux n'ont pas suivi un rituel ou un processus, mais ça leur est arrivé. Fast alle haben gesagt, wenn sie Hunger hätten, würden sie sofort wieder zu essen beginnen. Et ceux-là, donc les gens qui effectivement ne se nourrissent plus, ont affirmé que si ils éprouvaient la faim, ils mangeraient immédiatement. Mais ils n'ont plus faim. Sie wollen nicht mehr essen und sie können das Essen oft auch gar nicht mehr bei sich behalten. Et ces gens-là n'arrivent même pas à avaler la nourriture. Und das trifft sich eben auch mit den Beschreibungen aus den alten indischen und chinesischen Büchern, wo steht, dass man diese sogenannten Siddhis, wie sie in Indien heißen, also die übernatürlichen Fähigkeiten, nicht bewusst anstreben sollte. Et cela est confirmé également par les écrits chinois ou indiens, notamment les Siddhis en Inde, qui ont quelques milliers d'années d'âge, qui affirment qu'il ne faut pas chercher cela comme un but, la privation de nourriture, il ne faut pas le rechercher comme un but consciemment. Diese übernatürlichen Fähigkeiten sind sozusagen Nebeneffekte eines gewissen Bewusstseinszustandes, aber man soll sich nicht darum kümmern. Ces capacités ou particularismes entre guillemets surnaturels sont des effets collatéraux Oui, j'allais dire à l'éveil de la conscience. Oui, et dont il ne faut pas se préoccuper principalement. C'est autre chose qu'il faut chercher et c'est une conséquence presque non voulue qui arrive. Und hier sehe ich natürlich auch so die Gefahr, ein bisschen, die in der esoterischen Bewegung in den 90ern passiert ist. Et c'est là qu'il voit le danger des événements des années 90 dans le milieu ésotérique. Wo das sozusagen als erstrebenswertes Ziel propagiert worden ist. Où cette idée a été propagée comme un but à poursuivre et à devoir atteindre. Das halte ich für sehr gefährlich und es gibt sehr viele Beispiele von heiligen und erleuchteten Menschen, die gerne gegessen haben. Et il voit cela comme un danger et il y a beaucoup d'exemples de saints et d'autres personnes qui, même s'ils ne mangeaient plus, adoraient manger. Es ist sozusagen für die Spiritualität nicht wichtig. Pour la spiritualité, ce n'est pas important. Aber für die Wissenschaft ist es wichtig. Par contre, pour la science, c'est absolument important. Für unser Weltbild ist es wichtig. Pour notre image du monde, pour notre vision du monde. Weil wenn es das gibt, car si le phénomène existe, dann werden einige Dogmen der klassischen Naturwissenschaft auf den Kopf gestellt. Alors, quelques dogmes des sciences naturelles actuelles sont bouleversés. Il viendra à s'effondrer. Alors, je reviens sur cette question. Qu'est-ce qui... alors j'entends bien de ce mouvement du respirayanisme mené notamment par Jasmine. Qu'est-ce qui ont poussé, des rencontres que tu as effectuées, Peter, qu'est-ce qui ont poussé ces gens à vouloir expérimenter ou à vouloir se passer de nourriture? Même si 90% d'entre eux sont revenus à nourriture, qu'est-ce qui motive des gens à vouloir ne se passer de nourriture? Wo wir Jasmin erwähnen, was hat diese Leute, selbst wenn sie zu 90% wieder angefangen haben zu essen, was hat sie motiviert, sich diesem Ziel zu unterwerfen? Was war die Motivation dieser Leute? Das kann ich nicht beantworten. Ich kann jetzt nur für Jasmin sprechen, weil ich mit der gesprochen habe. Il ne peut pas répondre pour tous ces gens qui ont recherché cela, mais il peut parler de Jasmin parce qu'il l'a rencontré et interviewé. Und sie hat mir gesagt, dass sie hat in so einem australischen Zirkel, dieser Prozess stammt ja nicht von ihr, der ist gechannelt. Et elle lui a dit que en fait le processus de 21 jours, ce n'est pas elle qui l'a écrit, mais elle l'a repris de quelqu'un d'autre en Australie qui a obtenu ce processus de 21 jours par le channeling. Und dort wurde gechannelt, dass das halt das Bewusstsein erhöht, wenn man so lebt. Et là, il a été indiqué lors de ce channeling que ce processus permettrait d'élever la conscience. Für diese Menschen hat es vielleicht auch funktioniert. Pour ces gens-là, ça a probablement même fonctionné. Il y a un but aussi. Ouais, ça peut expliquer cela, oui. Ja, das ist einer der Ziele, was die Unterwerfung, das Engagement erklären könnte. Ja. Alors, d'un autre côté, Jasmine a été discréditée, puisque, et d'ailleurs, ça fait partie du sujet du film, entre autres, hein, où elle s'explique sur le fait qu'elle a été prise à manger. Donc, ses partisans disent, oui, mais de toute façon, dans quelle mesure on peut avoir confiance dans quelqu'un qui prône le respirianisme, qui dit ne pas boire, qui dit ne pas manger, et apparemment, on l'aurait surpris en train de manger. Alors de ça, elle en répond. Elle n'est pas la seule d'ailleurs à donner ce genre de réponse. On va y venir par la suite par rapport à un autre intervenant dans le film. Mais j'aimerais que tu puisses nous expliquer la réponse de Jasmine là-dessus. Dazu kommt, dass Jasmo Hehn, obwohl sie behauptet, ohne Nahrung leben zu können, ertappt wurde, dass sie selber isst. Ja? Was kannst du dazu? Jess Mohin gibt es auch offen zu, also es kommt auch in meinem Film vor, dass sie hin und wieder isst. Jess Mohin admet qu'elle mange de temps en temps et elle le dit dans le film. Aber das ist ihm sozusagen dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass es nur gar nichts mehr Essen gibt oder unglaublich viel Essen. Da gibt es was dazwischen, da gibt es Grauwerte. Man kann, wenn man einmal in der Woche einen Salat isst, dann ist es viel, viel weniger, als ich esse, wenn ich dreimal am Tag esse. C'est une vision en noir et blanc, très contrastée de l'État. En fait, si quelqu'un mange une salade dans la semaine, ce sera toujours beaucoup moins que Peter. Qui mange tous les jours, je vais témoigner. Und wenn Jess Mohin sich jetzt einen Salat bestellt und sie wird dabei erwischt, dann ja, wieso nicht? Soll sie einen Salat essen? Et si elle est attrapée en train de manger une salade et que ça fait un scandale, Peter dit, et pourquoi pas, quel est le problème? Und es wird auch zum Beispiel in China, in der chinesischen medizinischen Tradition, wird dieses Phänomen als Bigu beschrieben. Et dans la tradition chinoise, ce phénomène est appelé Bigu. Und da gibt es drei Stufen von diesem Bigu. Et il y a trois niveaux. Absolutes Bigu, das ist nicht essen und nicht trinken. Donc toujours décrit dans ce texte millénaire sur le Bigu. Il y a la première, le premier niveau qui est de rester absolument sans manger ni boire. Die nächste Stufe ist trinken, aber nichts essen. Le niveau suivant est de boire, mais de ne rien manger. Und die nächste Stufe ist sehr wenig essen, also ein paar Stück Obst in der Woche und ein paar Nüsse. Et le troisième niveau est de manger sporadiquement quelques fruits ou des noix. Ce qu'on peut appeler le jeûne. Le jeûne. Und es macht natürlich einen Unterschied. Das Fasten. Ja, Fasten, es ist ein Unterschied zwischen Fasten und Lichtnahrung. Fasten ist Nahrungsentzug. Entre le jeûne et la vie pranique. Weil diese Menschen hier ernährt werden. Parce que ces gens-là sont nourris. Und Menschen, die zum Beispiel in diesem dritten Zustand sind. Et les gens qui se trouvent dans le troisième niveau du Bigou. Wenn die dann so viel essen wie wir, lorsqu'ils mangent autant que nous quotidiennement, dann nehmen die sehr stark zu. Das haben mir einige Menschen bestätigt. Ils grossissent beaucoup plus, ce que lui ont confirmé certaines de ces personnes. Es gibt auch Berechnungen, dass jeder Mensch von uns zu einem gewissen Grad diese Lebensenergie direkt aufnimmt und den Rest müssen wir mit Nahrung zu uns führen. Il y a également des constats qui affirment qu'il y a quasiment tout le monde qui est capable d'absorber l'énergie pranique par la peau, mais qu'on doit en plus de ça manger. Und es ist eben sehr unterschiedlich, wie viel Nahrung jeder braucht. Und das bestätigen auch die Schulmediziner. Et il y a de grandes différences entre les besoins de nourriture de tout un chacun, ce que confirme la médecine académique. Es ist nicht so, dass wir wie ein Auto sind, wo man eine gewisse Menge an Treibstoff reintankt. Nous ne sommes pas comme des voitures qui ont besoin d'une quantité précise d'énergie. Die klassische Kalorientheorie ist falsch. La théorie des calories classiques est erronée. Das ist ein Richtmittel, das wurde im Ende des 19. Jahrhunderts aufgestellt, aber jeder Mediziner, der sich damit beschäftigt, weiß, dass es nicht stimmt. Elle a été établie au 19e et tous les médecins savent que c'est plutôt indicatif et pas à prendre à la virgule. Weil es von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Chaque homme a des besoins différents. Und jeder Mensch kann diesen Kalorienbedarf auch runterfahren. Also man ohne Leistungsverlust. Ich kann sehr, sehr wenig essen, ohne Leistungsverlust trotzdem normal weiterleben. Et on peut tout à fait garder sa capacité à fournir des efforts en réduisant la nourriture. Alors, ce qui est aussi très intéressant dans le film, c'est qu'il y a une montée progressive dans l'incroyable. Je pourrais dire ça comme ça. Was auch sehr interessant im Film erscheint, ist eine progressive Erhöhung zum Unglaublichen. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que, bien entendu, des découvertes que tu fais dans le film, Peter, eh bien, tu donnes la parole à des scientifiques, des nutritionnistes, des médecins, et au fur et à mesure des cas que tu rencontres, ils s'expriment. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit leur discours aussi évoluer. Und du gibst das Wort zu Wissenschaftlern, Nahrungsspezialisten, Metabolismus-Spezialisten und so weiter. Und man sieht im Film die Evolution dieser Experten. Der Film ist ein bisschen sozusagen meine eigene Entwicklung über 10, 15 Jahre zusammengefasst auf 90 Minuten. Le film réfléchit un peu son évolution lors de ses recherches condensée en 90 minutes. Und ich bin ein Kopfmensch. Et c'est un intellectuel. Und deswegen war es mir so wichtig, dass ich die Wissenschaftler ins Boot hole, die skeptische, analytische Wissenschaft. Et c'est pour cela qu'il lui est apparu extrêmement important d'intégrer l'avis de scientifiques de renom le plus sérieux possible, ainsi que des scientifiques sceptiques. Und das Interessante war, jeder, der sich wirklich damit beschäftigt, jeder Wissenschaftler, jeder Experte, der sich wirklich damit beschäftigt. Et le côté intéressant est que les scientifiques qui se sont réellement et sérieusement préoccupés de ce phénomène sagt, wow, da muss es irgendetwas geben. Disent, mais c'est incroyable, il doit y avoir quelque chose. Diejenigen, die von vornherein sagen, das ist ein Blödsinn, haben sich einfach nicht mit der Materie beschäftigt, haben sich nicht mit den Fakten auseinandergesetzt. Et on peut dire que ceux qui affirment d'emblée que tout cela est n'importe quoi, en réalité ne se sont pas du tout penchés sur les informations et les faits. Und ich habe ja nicht irgendjemanden gefragt in diesem Film. Et dans ce film, il n'a pas interviewé n'importe qui. Das sind ausschließlich Universitätsprofessoren, Experten auf ihrem Gebiet. Ce sont des professeurs d'université, de véritables experts scientifiques dans leur domaine. Die medizinischen Experten, die habe ich nicht ausgesucht, irgendwie, dass die das sagen, was ich mir jetzt wünsche. Les experts médicaux, il ne les a pas choisis en se disant, ah, je voudrais bien obtenir cela. Das sind die Experten für Ernährungsphysiologie, ce sont les experts pour la physiologie de l'alimentation, Forschung, pour le métabolisme. Ernährungsphysiologie an der medizinischen Universität Wien und an der Charité in Deutschland. À l'université de Vienne et à la Charité en Allemagne, donc les plus hautes instances. Die haben noch einmal die Daten überprüft, die von Dutzenden Wissenschaftlern in Indien untersucht worden sind. Qui tous ont revérifié les données scientifiques fournies par les scientifiques en Inde lors de l'analyse de Yani Prahlad. Und die sagen halt, wir können uns das nicht erklären. Et eux affirment qu'ils ne peuvent pas s'expliquer. Aber offensichtlich gibt es da irgendwas. Mais que cela, mais qu'il y a quelque chose dans le phénomène. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de la radio ici maintenant sur 95.2 ici maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via internet. Aujourd'hui avec nous Yann Roulas, qui est le représentant des productions Jupiter Films. D'ailleurs, je vous donne le site internet www.jupiter-film au pluriel.com. Vous avez l'occasion de retrouver notamment Milarepa, qui est le plus connu, et puis de nombreux films qui sont à venir, qui sont sortis, la Lumière qui sort aujourd'hui, enfin hier, et qui notamment est disponible à l'heure actuelle sur nos écrans dans certaines salles parisiennes. Et je vous invite à vous rendre ce soir à 20h30 au cinéma L'Arlequin, au 76 rue de Rennes, dans le 6e arrondissement, puisqu'il y a une projection suivie d'un débat avec Arthur Straubinger, qui est le réalisateur du film Lumière, ce dont nous parlons aujourd'hui avec nos invités, bien entendu, que je remercie d'être présents, car c'est un sujet extrêmement passionnant. Nous essayons de relater, alors bien entendu, une enquête. Là, pour le coup, on a le plaisir de poser plein de questions à Peter qui a réalisé ce film, et d'un autre côté, de voir les images, c'est autre chose, je vous assure. Alors, pour tous les sceptiques ou tous ceux qui veulent valider peut-être ce qu'ils ressentent intuitivement d'aller voir ce film, on y voit plus clair. C'est la lumière, le projecteur est dessus, c'est clair. Alors, là-dessus, Peter, il y a aussi un autre élément. Je me suis posé la question, parce qu'on voit ces différents scientifiques que tu interviews durant toute la durée du film, qui sont plus ou moins les mêmes. Et par contre, on voit en fonction des personnes que tu rencontres, tu leur poses la question de savoir si, par exemple, il est possible de vivre sans boire ni manger. Et on voit leur discours petit à petit du film qui change, qui évolue. C'est comme si, quelque part, tu étais venu les voir, tu leur avais posé des questions. Voilà, est-il possible de vivre sans boire ni manger? Alors, ils te disent, bah non, d'office, non, c'est pas possible. Et par la suite, au fur et à mesure donc des éléments que tu nous montres, à nous, en tant que téléspectateurs, c'est comme si tu leur avais montré petit à petit les différents éléments de ton enquête et que leur discours se met à changer, à évoluer. On sent que, alors, il y a toujours comme si le scepticisme reculait petit à petit. Er fand in dem Film, dass du die verschiedenen Wissenschaftler und Experten, die du interviewt hast, am Anfang vom Film die Fragen beantworten mit sehr viel Skeptizismus und sagen, nein, das ist der Mensch ist keine Pflanze und so weiter. Und nach und nach sieht man, wie ihre Meinung sich ändert, als ob sie etwas gefunden hätten. Weil sie die harten Fakten sehen. Die sehen ja das Blutbild. Bei diesem Yogi Prahlad Jani wurde ja zweimal am Tag das Blut abgenommen, untersucht. Parce que ils ont regardé avec attention les faits scientifiques, à savoir les analyses sanguines et pas des rumeurs ou autre chose. Et les analyses sanguines ont un côté sensationnel qui est l'absence de substances urinaires. Der Verdauungstrakt und alle inneren Organe wurden mit bildgebenden Verfahren untersucht. Tous les organes internes de Yani Prahlad ont été observés, scannés avec des échographies. On voit la vessie, on voit tous les organes. On y reviendra précisément parce que c'est vraiment l'exemple qui détermine beaucoup de choses au sein du film. Mm-hmm. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on y reviendra, parce que c'est vraiment c'est vraiment emblématique. Mais en tout cas, c'était pour vraiment préciser l'évolution de ces scientifiques que tu as été voir, qui d'office te disent, non, ça peut pas exister, c'est du grand n'importe quoi, charlatanisme. Et petit à petit, au vu des éléments que tu leur fournis, on sent que, et puis au final, finalement, la science n'a pas réponse à certaines questions de choses qui sont là, qui apparemment, ils sont bien obligés de reconnaître les faits, mais... Voilà, on se l'explique pas. Sie haben einen Fortschritt gemacht, diese Wissenschaftler, und zum Schluss sagen sie, ja, es gibt es schon hier etwas, aber die Wissenschaft hat keine Antwort. Ja, das ist der einzig wissenschaftliche Zugang, was diese Wissenschaftler gemacht haben. Es sind wirkliche Wissenschaftler. C'est la seule approche réellement scientifique. Et ce sont de vrais scientifiques, parce qu'ils regardent au moins les faits. Je ne sais pas si ça aurait été la même chose si tu ne les avais pas filmés. Wäre es das gleiche gewesen, das Resultat, wenn sie nicht gefilmt wären? Ja. Ich pense que oui. D'accord. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que Michael Werner, qui lui est un scientifique, justement, et qui a décidé de faire le respirianisme, et effectivement, il a arrêté de manger. Et il ne subsiste qu'en buvant. Alors, sachant que c'est un scientifique, déjà à la base, un Européen. Zum Beispiel, der Michael Werner ist der selber Wissenschaftler. Er ist Chemist. Es Chemiker, ja. Chemiker, ja, Entschuldigung. Ist ja nicht mehr. Ouais. Donc, c'est, voilà. Et Michael Werner, ce qui est intéressant, c'est que lui, de prime abord, il avait eu l'occasion de rencontrer lors d'un dîner avec son fils une amie qui lui disait être dans cet état d'esprit de vouloir ne pas vivre, enfin de vouloir vivre sans boire ni manger. Très étonné, puis quelques années après, il décide d'expérimenter. Et au vu des 21 jours, bah oui, effectivement, il arrête de manger. Il ne vit qu'en buvant. Alors, il a une vie de famille aussi. En tant qu'Européen, scientifique de surcroît, avec sa femme, on le voit à table. Hein, il est en train de boire un verre, ok. Et puis, sa femme qui est assise et qui mange en face de lui, discute. D'où le côté social et convivial. Ça, c'est une chose. D'un autre côté, je suis vraiment loin, je suis désolé, Yann. C'est pas grave. Je prends des notes. D'un autre côté... Puisque Michael Werner est scientifique à la base, il s'est dit, bah voilà, je veux bien me prêter au jeu moi-même d'aller dans des hôpitaux, enfin un hôpital bien, de prime abord, et qu'on fasse des examens sur moi pour valider le fait que eh bien, je puisse vivre sans manger. Dieser Michael Werner hat, nachdem eine Freundin bei ihm den Anstoß dazu gegeben hat, das Essen aufgegeben und nach einiger Zeit und hat aber danach versucht selber zu verstehen, was eigentlich die Sache ist und hat sich dann zu diesem Experiment in Bern entschieden. Donc, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur déjà la première expérience qu'il y a eu au sein d'un hôpital ou d'une clinique, le protocole qui a été mis en place. Qu'est-ce qu'il en a ressorti? Laurent möchte gern, dass du darüber Näheres erzählst, was die erste Untersuchung von Michael Werner war, die erste. Was war das Protokoll und was hat es ergeben? Ja, also es war so, der Michael Werner wollte eben selbst rausfinden, was ist da los? Weil er hat das bei sich erlebt und er wollte eine ordentliche wissenschaftliche Studie dazu. Michael Werner, en tant que scientifique chimiste, s'est posé la question « Comment cela est-il possible ? Je ne prends aucune nourriture et les cheveux et les ongles poussent. D'où est-ce que ça vient ?» Et c'est à ce moment-là décidé que la meilleure méthode, c'est de se soumettre à un examen scientifique correctement mené. Und es war so, es hat sich niemand gefunden, der diese Studie finanzieren will. Malheureusement, personne s'est trouvé qui voulait financer cette étude. Et oui. Deshalb hat er die Finanzierung dann selbst aufgestellt. C'est pourquoi il a fait le sacrifice lui-même et s'est financé lui-même. Und insofern, weil jetzt liest man oft im Internet, Michael Werner wurde entlarvt als Schwindler. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans l'Internet des rumeurs qui disent « ça y est, Michael Werner a été découvert comme imposteur ». Und es war so, dass in diese Studie hat 10 Tage gedauert, durfte trinken. L'étude, si je peux juste dire avant, qu'il a dû avoir l'autorisation en Suisse de la commission éthique. Parce qu'aucun hôpital ne voulait l'admettre tel quel. Donc, il a fallu, en cas d'accident, ils ont été responsables. Ouais. Donc, il a déjà perdu 2 années pour avoir l'autorisation du comité éthique. D'accord. Qui ne s'est pas décidé tout de suite. Donc, quand bien même il y a un homme qui veut prouver, entre guillemets, sa bonne foi et se mettre dans les mains des scientifiques, déjà, on leur dit, bon, ok, déjà, il a 2 ans, passe droit, c'est pas mal. 2 années pour avoir l'autorisation de la commission éthique en Suisse. Et enfin, il s'est soumis pour un test de 10 jours à l'hôpital universitaire de Berne. Und da ist jetzt Folgendes rausgekommen. Michael Werner hat 2,5 Kilo Gewicht verloren. Lors de ce séjour dans la station intensive, donc das complètement fermée, il a perdu, wie viel, 2,5 Kilo? 2,5 Kilo. Il a perdu lors de ce test de 10 jours, 2,5 Kilo. Das wäre jetzt nichts Besonderes. Ich verliere auch auf 2,5 Kilo über 10 Tage. Ce n'est pas en soi quelque chose d'extraordinaire, parce que Peter aussi lui arrive de perdre 2,5 kilos en 10 jours. Was den Unterschied macht, was bei Michael Werner jetzt in den Blutwerten rausgekommen ist. Mais ce qui fait la différence et le résultat dans l'analyse sanguine, es sind bei den sogenannten Ketonwerten. Ketone sind Chemikalien, die entstehen, wenn Fett in Zucker umgewandelt wird. Ce qui différencie, c'est les valeurs kétoniques apparues dans ces analyses sanguines qui se constituent lorsque les graisses sont transformées en sucre dans le corps. Il y a forcément apparition de ces valeurs kétoniques dans le sang. Und der Michael Werner hat jetzt in diesen 10 Tagen eine ansteigende Ketonkörperkurve gehabt. Et Michael Werner a eu des valeurs croissantes dans les analyses sanguines de ces valeurs kétoniques. Das war jetzt zwar nicht so stark wie bei einem normalen Menschen. Ces valeurs n'étaient pas aussi fortes que chez un individu normal. Nichtsdestotrotz lässt es auf einen Fasteneffekt schließen. Néanmoins, ces valeurs kétoniques laissent conclure à un état de jeûne. Voilà. Jetzt sagen die Gegner natürlich, Michael Werner ist entlarvt. Tous les opposants, du coup, disent Michael Werner est démasqué. Ich persönlich finde Michael Werner sehr glaubhaft. Personnellement, Peter pense que Michael Werner est extrêmement crédible. Ich glaube nur, man weiß eben noch nicht, wie diese Nahrung in den Körper kommt. Mais que nous ne savons pas comment cette nourriture arrive dans le corps. Diese Menschen werden ja ernährt. Parce que ces individus sont nourris. Und in der chinesischen medizinischen Bigu-Tradition, et dans la tradition chinoise du Bigu, wird ja erklärt, unter welchen Umständen man Bigu üben sollte. Il est indiqué dans quelles circonstances il faut exercer ces pratiques. Es sollte dort sein, wo die Qi-Felder intakt sind. Et il est dit qu'il faut les pratiquer là où les champs de Qi, c'est ce nom pour l'énergie chez les Chinois, qu'il faut les pratiquer là où il y a de forts champs de Qi. Oui. Also die Bigu-Meister in China sagen etwa, man sollte Bigu nicht in Städten ausüben. Les maîtres de Qigong en Chine disent qu'il faut exercer ces pratiques non surtout pas dans les villes, mais plutôt dans la nature. Insofern ist es natürlich verständlich, dass wenn dieser Mann eingesperrt ist in einem Zimmer und nur Luft von der Klimaanlage bekommt und in einem völlig künstlichen Umfeld ist, dass er diese Qi-Energie nicht so gut aufnehmen kann. Il est par conséquent explicable du moins en partie, du poids. Comment dans un environnement où il n'avait que de l'air par la climatisation et pas directement. Aber das ist meine Erklärung. Oui, mais c'est ce qu'il dit lui-même, hein, c'est l'explication de Peter. Das ist eine ganzheitliche Erklärung sozusagen, aber die Wissenschaft sollte hier mehr forschen zu diesen feinstofflichen Energien. Was ist Qi? C'est la science qui devrait faire plus de recherches dans ces domaines. Qu'est-ce que le Qi? Quelles sont ces substances subtiles, éthériques? Es ist ja auch heute so, dass zum Beispiel Akupunktur, ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist, aber Akupunktur ist in Österreich und Deutschland anerkannt. Entretemps, l'Akupunktur est reconnue en Autriche et en Allemagne depuis les années 80. Weil man Effekte erzielen kann. Parce qu'on peut obtenir des effets. Nichtsdestotrotz ist es streng medizinisch und streng streng biologisch und naturwissenschaftlich Charlatanerie. Mais d'un point de vue très académique, enfin d'un point de vue de la médecine très académique et allopathique, ouais. C'est considéré comme charlatanisme, comme l'homéopathie. Weil diese Meridiane sind nicht morphologisch nicht feststellbar. Parce que les méridiens dans l'acupuncture ne sont pas morphologiquement constaté. Oui, c'est ce qui est mentionné par notamment une médecin chinoise qui mentionne qu'au-delà des différents circuits qui existent dans le corps physique, il existe donc ce circuit énergétique dans donc différents corps énergétiques qui est là pour le coup. Alors, il y a un élément qui est très intéressant, toujours avec Michael Werner, c'est que au vu de la première séance, il dit lui-même que s'il a perdu du poids, c'est dû à l'endroit où il se trouvait, le fait d'être reclus, de respirer de l'air conditionné, et il décide, quelques temps après, de se proposer encore une fois à une expérience scientifique dans un centre hospitalier, et là, pour le coup, avec un peu plus de... dans un cadre, il choisit le cadre, voilà, de façon à ce qu'il ait un peu plus de bien-être au sein de l'hôpital en question. Alors là aussi, qu'est-ce qu'il a été du protocole et qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle des résultats? Infolge dieser Berner-Studie hatte der Michael Werner dann entschlossen, weil er selber erstaunt war über den Gewichtsverlust und den Bedingungen auch, eine andere Studie, sich einer anderen Studie zu unterwerfen, unter Berücksichtigung der Umgebung. Was war das Protokoll der Prager Studie und was ist daraus geworden? Das kann ich leider nicht beantworten, weil die Studie nicht veröffentlicht ist bis heute und der durchführende Arzt wollte auch nicht mit mir sprechen und hat mir auch kein Interview gegeben. Also ich habe telefonisch und schriftlich angefragt, aber keine Antwort bekommen. Il faut préciser que il ne peut pas répondre à cette question parce que le médecin principal de Prague, malgré les coups de fil, les lettres, les tentatives de communiquer avec lui, d'avoir un résultat de l'étude qui a été conduite, la clinique, le médecin et tout le monde s'est refusé à faire quelques communiqués que ce soit. Et à ce jour, nous n'avons rien. Il faut également préciser que l'étude de Berne n'a pas été publiée spontanément, mais que Michael Werner n'a pas eu le droit de ne serait-ce que d'être informé du résultat pendant des années. Ce n'est qu'en toute fin du film que Bern, sous le harcèlement général de beaucoup de gens, ont consenti à publier quelques résultats en balayant l'étude du revers, en la tamponnant, en la classifiant de jeunes avancés. Et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à Peter. Des scientifiques que tu interviews dans ton film, quelles auraient été leurs réponses s'ils n'avaient pas été filmés? Voilà pourquoi je mentionne l'exemple de Michael Werner. Ich habe nur kurz erklärt, dass die Berner Studie nicht sofort veröffentlicht wurde und dass die Prager, also dass es da eine gewisse Opposition gibt. Und deswegen hat mehrmals darauf bestanden, zu fragen, wie wohl die Wissenschaftler reagiert hätten, wären sie nicht gegenüber einer Kamera gesessen. Ob das etwas ausgemacht hätte. Ich glaube nicht. Ich muss ja generell sagen, dass ich recht unbeeindruckend war als Kamerateam. Ich war ja ganz allein, wie ich diese Interviews gemacht habe mit meiner kleinen Kamera. Das Zeugnis. Also ich glaube, das war in vieler Hinsicht ein Vorteil, sowohl bei den Wissenschaftlern, weil sie nicht, die hätten das wahrscheinlich nie zugegeben, wenn da ein großes Kamerateam mit drei Leuten dagestanden wäre. Probablement, s'il avait tourné cela avec une grande équipe, ils auraient arrêté et dit « c'est trop ». Mais comme il était seul avec la caméra, c'était plus confidentiel et ils ont eu une approche plus scientifique que d'opposition. Gleichfalls hat mir das auch geholfen bei den Yogameistern und Qigong-Meistern. Ich war die ersten drei Jahre war ich ganz allein unterwegs mit einer kleineren Kamera. Ich habe selbst Kamera, ich habe selbst Ton gemacht und das hat mir natürlich geholfen, dass ich ein gutes Verhältnis herstelle zu den Menschen. C'est ce qui l'a beaucoup aidé également pour interviewer des maîtres Qigong et autres. Parce qu'il voyageait les trois premières années seul avec son équipement Et il n'a effrayé personne. Ouais, avec ça crée une certaine forme d'intimité. Ouais. Ja, und es war auch so, wir haben ja dann beim Hauptdreh, habe ich dann mit Kameramann gedreht. Und ich weiß auch genau, teilweise haben wir Interviews zweimal gedreht, aber es hat nicht mehr funktioniert. Und ich hätte auch diese Ärzte, ich hätte sie nie zu dieser Reaktion wieder gebracht. Et à la fin, quand il a donc tourné avec un caméraman, et il a bien remarqué que les réactions n'ont plus été les mêmes, et certainement il n'aurait pas obtenu les résultats qu'on voit dans le film si dès le départ il avait tourné avec un caméraman, etc., parce qu'il s'effrayait. Diese Interviews, die man im Film sieht, sind aus der Stoffentwicklung, die sind nicht vom Hauptdreh. Es ist gut, ein Drittel vom Film ist aus der Stoffentwicklung, wo ich alleine mit der Kamera recherchiert habe. Ces interviews qu'on voit dans le film, qui sont très marquants, l'évolution de ces scientifiques, ont été tournées lors du développement du sujet et pas lors du vrai tournage où il a essayé de capter à nouveau l'essence de ses interviews, ouais, ouais. Et il ne les a plus obtenues, ouais. Parce que les gens se sont rebiffés. Ah, ça m'étonne pas. Enfin, c'est, ouais. ça sent d'une certaine manière qu'ils sont réticents à lâcher ce qu'ils ont sous les yeux, mais parce qu'ils sont filmés, ils sont obligés de dire oui. « Ouais ». Et même, et c'est là où ça m'a vraiment étonné, c'est un spécialiste du jeûne. Qui au tout début du film dit non, ça peut pas exister, ça n'existe pas, et qui là aussi, petit à petit, de ce qui nous est montré dans le film, de ces êtres humains qui vivent uniquement en buvant ou alors sans boire ni manger, dit bah ouais, ok, bon, c'est là. Et il intègre petit à petit, ce spécialiste du jeûne, dans son esprit comme étant là beaucoup plus, on sent justement l'ouverture qui se fait, mais plus rapidement. Je te laisse peut-être traduire là pour le coup, Yann. Er sieht auch am Anfang vom Film diesen Spezialist, diesen Fastenspezialist, der sofort sagt, nein, das gibt es gar nicht. Dr. Dahlke. Ja. Und nach und nach sich total öffnet. Beim Dr. Dahlke muss man dazu sagen, alle Ärzte müssen natürlich primär sagen, das ist gefährlich. Il faut préciser que tous les médecins doivent d'abord attirer l'attention sur la dangerosité. Wenn sie was anderes sagen würden, dann würde sofort jemand kommen und sagen, du bist schuld, dass da jemand gestorben ist. Parce que si ils procédaient autrement, ils auraient à subir les conséquences et les reproches de personnes qui n'hésiteraient pas à se manifester pour dire, c'est de votre faute, c'est vous qui êtes coupable. Il faut juste mentionner une chose qui est très significative à ce niveau. Il y a un livre de Michael Werner qui est également publié en français, et la préface a été écrite par le docteur Jacob Busch. Le docteur Jacob Busch est le chef du service psychiatrique extérieur en Suisse alémanique. Il a donc un poste à responsabilité, médecin, psychiatre, et voilà. Il a écrit cette préface parce que lui-même a traversé le processus de 21 jours, qu'il a donc passé 21 jours sans manger ni boire et a fait des remarques très pertinentes au niveau de la psychiatrie, ayant constaté qu'il y a une mémoire de traumatisme psychique au niveau cellulaire. Et suite à cette simple préface, il a été attaqué par ses confrères qui ont exigé des autorités supérieures la démission du docteur Jacob Busch parce que non sérieux et mettant en discrédit la médecine. Oui. Sa hiérarchie supérieure a résisté, vu ses capacités professionnelles, mais ça a été un long combat. Ouais. Comme uniquement quoi, pour avoir écrit une préface. Ouais. Wissenschaftler sind sehr arm, weil sie nicht laut sagen dürfen, was sie denken. Sobald sie geistige Aspekte in Betracht ziehen, sind sie in Gefahr, exkommuniziert zu werden. Les scientifiques sont pauvres et ne peuvent pas s'exprimer librement parce que dès qu'ils tirent la spiritualité dans quelque chose, ils encourent le danger d'être excommuniés. Und ich sage ganz bewusst exkommuniziert. Et Peter dit très consciemment excommunié. Weil zum Beispiel der Nobelpreisträger Brian Josephs, Nobelpreisträger, Parce que le lauréat du prix Nobel de physique, Brian Josephson, également professeur à l'université de Cambridge, sagt, dass die heutige Naturwissenschaft agiert wie die katholische Kirche vor ein paar hundert Jahren. Qui affirme que la science aujourd'hui agit comme l'Église catholique d'il y a quelques siècles, parce qu'eux ont évolué. Es gibt die heiligen Schriften, es gibt die Kardinäle. Les écritures saintes, il y a les cardinaux dans les sciences. Es gibt die Inquisition. Il y a l'Inquisition. Und wer etwas gegen die herrschende Meinung sagt, wird exkommuniziert. Et le scientifique qui affirme quelque chose contre ces écritures saintes, dites scientifiques, est excommunié. Aber glücklicherweise sind heute die Bestrafungen subtiler. Denn heureusement, aujourd'hui, les punitions sont un peu plus subtiles. Weil wenn es die Scheiterhaufen noch geben würde, dann würden wir wahrscheinlich auch schon brennen. Si les bûchers étaient encore d'actualité, nous deux, on serait en bonne position actuellement attachés à un poteau. Je le confirme. Sur un tas de bois. Alors il y a aussi un homme que j'ai trouvé remarquable, c'est Walter, le yogi. Alors un homme qui est très heureux de ne pas avoir à manger, puisque, dit-il, je n'ai pas à travailler pour manger. Donc il se réjouit de la vie qu'il a, de mener comme bon lui semble. Laurent war sehr fasziniert vom Omsa, dem Alpenyogi. Und der behauptet, er ist sehr glücklich und froh, weil er braucht nicht zu arbeiten, um essen zu können. Er hat eine gewisse Freiheit und er scheint sehr glücklich. Moi personnellement, j'ai trouvé incroyable cet homme, de surcroît parce que il est très sensitif de mon point de vue au vu de son témoignage, puisqu'il parle de l'importance des villes et de la campagne, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le prana et des centres énergétiques, où le trouver, là où il est le moins présent. Et cet homme est très sensible, au point que, dit-il, quand il revient de la ville, où le prana est très dense, il est obligé d'attendre 4-5 jours de retour à la campagne pour retrouver vraiment cet équilibre dont il parlait. Der Omsa erscheint ihm sehr sensibel und auch klar in seiner Ausdrucksweise, wenn er zum Beispiel behauptet, dass wenn er von der Stadt zurückkommt, braucht es 4-5 Tage, bis er wieder in seinem Normalzustand ist. Absolut. Im Film ist auch ganz lustig, der Omsa sagt in seiner einfachen Sprache viele Wahrheiten, die dann erst später im Film von den Wissenschaftlern bestätigt werden. Ce qui est remarquable également, c'est que cet homme très simple exprime avec une clarté et une précision le phénomène et une explication qui n'apparaît que beaucoup plus tard dans le film. Tout à fait. Et on est un peu dubitatif au début, alors qu'il est extrêmement pertinent. Oui, c'est un Européen avec une pensée asiatique. Tout à fait. Et la simplicité de ses propos lorsqu'il dit « Ah, dans le village, on était plusieurs, mais je crois que je suis le seul qui ne mange toujours pas. Les autres ont recommencé. » Alors, ce qui est étonnant, c'est les questions qu'il amène de par sa manière de vivre. Was sehr interessant ist, ist auch, sind die Fragen, die seine Lebensweise wecken. Bien entendu, à l'heure actuelle, sur cette planète, de par nos conditions, on travaille avant tout pour manger. Weil auf unserem Planeten pour avoir de l'argent. Wir hauptsächlich arbeiten, um essen zu können und zu leben. 20% du salaire d'un individu ou d'une famille, 20%, c'est énorme, et va directement dans la nourriture. 20% im Durchschnitt unseres Einkommens gehen an Nahrungsunterhalt. Et cet homme nous dit, je n'ai pas besoin de travailler puisque je n'ai pas besoin de manger. Et je vaque à mes occupations, je fais ce que je veux. Et alors là, pour le coup, en pleine nature, dans un coin magnifique, comme tu le dis, Yann, un homme très simple, mais alors, j'irais quelque part, on l'envie presque, tellement il resplendit de joie, cet homme. Und man ist fast neidisch auf ihn, weil dieser einfache Mensch eine Freude ausstrahlt. in seiner ganzen Einfachheit und seine Lebensweise natürlich auch Bedürfnisse erweckt. Absolut. Wir essen, wir alle, die meisten von uns essen ja zu viel und die falschen Sachen. En effet, nous mangeons pour la plupart trop et souvent, malheureusement, les mauvaises, les mauvais aliments. Man weiß ja, sieht man ja auch im Film, es gibt ja diese Langzeituntersuchungen an Affen. On sait et on le voit dans le film qu'il y a ces études de très longue durée sur des singes. Énorme. Alors ce passage-là, il m'a marqué. Il m'a réellement... Ah ouais. Moi aussi. Ja. Er sagt nur, es hat ihn sehr beeindruckt. Genau, und man weiß eben sozusagen, das ist mittlerweile auch nicht mehr, wird auch von der Mainstream-Wissenschaft nicht mehr bestritten, dass wenn man das leichte Unterernährung lebensverlängernd ist, man lebt gesünder. Et aujourd'hui, même les sciences académiques admettent et reconnaissent sur la base de ces études conduites qu'une légère sous-alimentation, donc de manger un peu moins que de se rassasier à chaque repas, conduise à une prolongation de la durée de vie. Das heißt, für den Körper ist calorie restriction gesund. Cela veut dire que pour le corps, une légère restriction de calories est avantageuse et profitable pour la santé. Wir alle essen nicht für unseren Körper, wir essen für unser Gefühl, für unsere Emotion. Nous tous ne mangeons pas pour le corps, mais pour l'émotion, pour la sensation du plein. Wir essen so viel, weil wir gestresst sind. Nous mangeons trop parce que nous sommes stressés. Ich habe zum Beispiel bei mir selbst, bemerke ich das auch, ich habe eine sogenannte Pigou-Übertragung gemacht, die man auch im Film einmal sieht. Was, verstehst du Übertragung? Die Energieübertragung, die man im Film sieht, die Qigong-Meisterin macht. Ja. Da gibt es eine Pigou-Übertragung, die Pigou-Energie. Du meinst in diesem Stadion, was sie da gefunden hat? Sie macht es nicht, sie hat es in einem Stadion gemacht, aber sie macht es... Sie hat es mit dir so gemacht? In einer Gruppe. Donc, il a rencontré cette Chinoise qui est dans le film, qui lui a reporté le Bigou dans en groupe. Ich habe das an einem Samstag gemacht. Il l'a fait un samedi. Und am Sonntag dann war es tatsächlich so, dass ich habe den ganzen Tag keinen Hunger gehabt. Der Magen war irgendwo da heroben und ich wollte nichts essen. Ich hätte nichts runtergebracht. Es war wie wenn man aufgeregt ist oder verliebt ist oder wie auch immer. Der Magen war ganz heroben. Suite à cette session en groupe un samedi, le dimanche, il n'a pas eu besoin de manger comme si, comme ce que nous éprouvons lorsque nous sommes amoureux ou très euphoriques, on n'arrive pas à manger. Ich habe die Menschen verstanden im Film, die erklärt haben, sie wollen nichts essen. Et c'est là qu'il a compris les gens dans le film qui disent qu'ils ne veulent pas manger parce que leur ressenti, leur émotion est plus attirante que d'être rassasié. Und am Montag bin ich dann wieder in die Arbeit gegangen. Ich arbeite in Österreich auch bei einer Radiostation und habe viel Stress. Et le lundi, il est retourné au travail où il travaille également dans une station radio et avec beaucoup de stress. Und dann sofort wieder Schokolade und... Et il a immédiatement saisi les barres de chocolat. Also es ist nicht primär für den Körper, sondern eben für den Emotionalkörper. Und diese Aspekte sollten von der Wissenschaft eben auch einmal anerkannt werden. Et c'est donc principalement pour l'état émotionnel provoqué par le stress... Et il est dommage que la science ne reconnaît pas ces processus et ne les analyse pas plus. Alors, il y a un élément qui m'interpelle, c'est ces singes. Alors je reviens et je décris un peu la scène de ce que j'en ai retenu. Deux singes dans une cage l'un à côté de l'autre, mais ils peuvent pas se voir apparemment. L'un a 33 ans et a reçu un régime frugal. Die zwei Affen, die in ihren Käfigen sind, der eine 33 Jahre. L'autre, qui se trouve juste à côté donc, a 30 ans et lui a eu un régime comme un Européen pourrait en avoir. Alors c'est incroyable de voir à quel point celui qui a eu un régime frugal, malgré le fait qu'il ait 3 ans de plus que l'autre, hein, et plein de vie, plein d'énergie, un beau poil. Enfin, on sent qu'il est, voilà, il est réceptif à, réceptif à son environnement, vif. Etc. Vif, c'est exactement le terme. Et de l'autre, qui est complètement amorphe, avachi. Qui a les poils tristes et qui a les poils de comme s'il avait accéléré son processus de vieillissement. Et cela m'a marqué. Parce qu'en parallèle de ça, juste avant de montrer ces images de ces deux singes, on voit des images de notre société avec le fast-food et la manière dont on peut se nourrir au quotidien. Et tout de suite, le résultat était probant, était visible à l'image de ces deux singes opposés. Oh, et difficile de mieux expliquer que par les photos. War sehr erstaunt von diesen zwei Affen. Ich auch. Und, lui aussi. A été très frappé. Alors, et on revient encore une fois sur cette notion que manger d'une manière frugale, faire attention à ce que l'on mange, nous amène un bien-être. Et on le voit surtout, et aussi avec Dieter. Dieter qui a suivi aussi le respirianisme. Alors, c'est un homme qui est dans la méditation, on le sent calme, serein. Alors, je ne sais pas si c'est l'endroit où il vit qui doit certainement rajouter à cela, mais on sent que cet homme qui ne fait que boire, a une vie et une conscience de la vie qui l'entoure, alors j'allais dire saine dans le sens d'une sérénité, d'une harmonie, lui, avec lui-même déjà et avec son environnement. Er kommt zu dem Dieter, er bringt den Dieter zur Sprache, der ihn sehr beeindruckt hat, auch weil er sehr ausgeglichen ist und so weiter. Er lebt wahrscheinlich in einer sehr positiven Umgebung. Und ist jemand, der ihn auch beeindruckt hat. Ja, das ist ihm der Meditationslehrer, der mich zum Film gebracht hat. Und es ist interessanterweise, ich habe ihn als erstes gefragt, ob er sich filmen lässt. Und er war da fast der Letzte, den ich filmen konnte, weil es so schwer war, ihn zu überreden, dass er sich filmen lässt. C'est précisément son professeur de yoga et de méditation qui a déclenché l'envie de cette recherche et de faire le film. Et c'est lui qui a résisté le plus longtemps à se laisser interviewer et il n'a pu la voir que tout à la fin parce qu'il préférait rester en retrait et ne voulait pas afficher... Weil diese Menschen eine große Angst haben, das bekannt zu machen, weil die sofort als Scharlatane und Lügner abgestempelt werden. Ces hommes vivant du prana ou se privant de nourriture physique mais buvant uniquement sont tous très réticents à prendre une position publique de peur des agressions. Que cela engendrerait de la part de charlatanisme, etc., de l'entourage qui se déchaîne contre eux parce qu'ils ne peuvent pas tolérer. Donc ils préfèrent rester discrets. Und erst als ich ihm erklärt habe, dass ich schon um die ganze Welt gereist bin und dass ich so viele Menschen habe, die das auch bestätigen, dann hat sich auch interviewen lassen. Et ce n'est qu'après qu'il ait appris que Peter a déjà fait le tour du monde et qu'il avait interviewé tout le monde. Et là seulement, il s'est laissé convaincre pour une interview. Aber ich komme eben jetzt auch im Zuge der PR-Tour in Österreich durch die Kinos, weil der Film ja sehr erfolgreich ist. Also et l'exploitation du film dans les cinémas autrichiens se passe avec un succès énorme puisqu'ils viennent de dépasser les 100 000 spectateurs. Ça m'étonne pas parce que que ce soit l'Allemagne ou l'Autriche, la Suisse, vous êtes très en avance dans l'ouverture de conscience sur tout ce qui a trait à ce genre de domaine. Il est vrai que la France est très loin derrière. Je ne sais pas si c'est nos origines latines qui nous limitent par rapport à ça, mais en tout cas, il y a un éveil en France qui se fait, mais ça ne m'étonne pas du tout que dans ces pays-là, il y a une ouverture beaucoup plus grande qu'en France. Es erstaunt ihn nicht, dass in den deutschsprachigen Gebieten mehr Offenheit zu diesem Thema besteht als in Frankreich, wo wir sehr hinterher. Und warum? Et pourquoi, il demande. Laurent, c'est une bonne question. Il faudrait voir peut-être auprès matérialisme. De le matérialisme, de peut-être auprès de certains lobbies sur le fait que peut-être aussi en France la science est d'autant plus peut-être cadrée. Je prends juste un exemple, hein. L'ozonothérapie où il y a plus de 7000 praticiens en Allemagne, alors qu'en France, ils sont peut-être 30 à tout casser, donc ce qui est rien, pas comparable. Er erwähnt dazu die Ozontherapie als Beispiel, die in Deutschland über 7000 Praktikanten zählt, wo in Frankreich nicht mal 30 insgesamt. Interessant. Donc voilà, alors l'essentiel c'est que on puisse en parler au jour d'aujourd'hui, hein. En tout cas, c'est ça qui est le plus important. Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas forcément d'ordinaire. Alors je vous rappelle aujourd'hui avec nous Yann Roulas, qui représente la production de films Jupiter Productions. Pour en savoir plus d'ailleurs et voir toute la série de leurs films, vous pouvez aller voir sur leur site internet www.jupiter-film avec un S au pluriel.com. Vous pourrez retrouver Lumière, Mila Repa et tant d'autres films qui vont sortir ou qui sont sortis. On précise que le film Lumière, dont nous parlons actuellement avec son réalisateur Peter Arthur Straubinger, sera ce soir à l'Arlequin. Alors, il y est dans 3 salles parisiennes, c'est ça, Yann? Mais à l'Arlequin ce soir, la spécificité, c'est qu'il y a un débat. Le film commence à 20h30 avec Peter qui pourra répondre par la suite à vos questions. Le cinéma à l'Arlequin se trouve au 76 rue de Rennes, dans le 6e arrondissement. Peter, et juste Yann, avant, je pense qu'il est très important pour les gens qui ont des doutes par rapport au phénomène ou des sceptiques, de venir et de poser les questions, de voir le film d'abord et de poser des questions ensuite, les questions qui dérangent, j'espère. Antoine, nous allons faire une petite respiration musicale parce que ça fait quand même 1h30 que nous parlons. Donc on va prendre un petit café, l'occasion de relaxer un petit peu. On vous fait profiter de cette belle musique qui est de Philippe Guénin. Voilà un morceau choisi pour coller à cette émission. Et vous êtes toujours à l'écoute de la radio ici et maintenant sur la bande FM 95.2, ici maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via internet. Cette émission est enregistrée et sera disponible en vidéo à la fin de la journée. Je vous rappelle donc nos invités, Yann Roulof avec nous pour représenter les Jupiter Productions, Jupiter Film, et d'ailleurs c'est pour aller sur leur site internet jupiter-film.com. Jupiter Film, pourquoi? Car c'est grâce à eux que nous avons l'occasion d'avoir sur nos écrans de cinéma le film Lumière de Peter Arthur Straubinger, qui se trouve présent avec nous. Peter, it's a real pleasure to have you to talk about this movie. It's a big honor for me. Thank you. Oh, we are both. Tout le monde est content. Ouais, sinon, it's wonderful to have the opportunity to talk about this kind of enigmatic subject. So, I would like to speak about le personnage central du film, c'est ce fameux Indien. Alors, il est important de préciser que dans la presse française, il a été fait mention de ce cas incroyable d'un Indien de 78 ans qui, depuis l'âge de 7 ans, ne mange pas de matière solide, donc pas de nourriture, pas d'eau non plus, depuis l'âge de 7 ans. Et nous dit-il, suite au fait qu'il y ait eu 3 déesses, dont Lakshmi, qui lui est pointé du doigt sur son crâne, et depuis l'âge de 7 ans, il ne mange pas, sachant que sa famille, s'inquiétant au début, ont essayé de le faire manger, il régurgitait tout ce qu'il mangeait. Donc, personnage incroyable, comment est-ce que vous en avez eu connaissance, vous? Eine der zentralen Figuren des Films ist der Jani Prahlad, der ja seit dieser Begegnung mit den drei Göttinnen nichts mehr isst, wo seine Familie versucht hat, ihn zum Essen zu zwingen, aber was er wieder rausgewürgt hat. Wie bist du zu ihm gekommen? Ich habe im Internet von dieser Studie gelesen, die erste, die 2003 gemacht wurde. Peter avait lu sur Internet à propos de la première étude qui avait été conduite en 2003. Und ich wollte wissen, ist das eine glaubhafte Studie? Weil da gibt es harte Fakten und ich wollte sozusagen selbst hinfahren und das überprüfen. Ist die Studie glaubhaft? Ist der Prahler Diani glaubhaft? Et Peter voulait vérifier de première main à la source si cette étude était crédible ou si certaines rumeurs étaient fondées et que c'est une tromperie. Là-dessus, donc, un homme de 78 ans qui, depuis l'âge de 7 ans, ne boit pas d'eau et ne mange aucune substance nutritive. Comment cet homme, et c'est toujours intéressant de savoir comment cet homme est arrivé, puisque c'est un ascète, c'est un yogi, comment il est arrivé à se donner en examen auprès d'un centre hospitalier? Wie ist dieser Asket dazu gekommen, sich dieser Studie zu unterwerfen? Es war so, der Prahlad Diani hat ja mit 7 Jahren aufgehört zu essen und ist mit 11 Jahren dann von zu Hause weg, von seiner Familie weg. Prahlad Diani a eu cette révélation à l'âge de 7 ans. À l'âge de 10 ou 11 ans, il est parti de son domicile et parti dans la jungle pour méditer. Er war ja schon als Kind ein Wunder. Ich habe dort auch mit der Familie gesprochen, mit seinem älteren Bruder. Peter a également interviewé son frère aîné et la famille, et il était déjà en tant qu'enfant quelqu'un de très spécial. Also die Mutter hat den kleinen Prahlad Diani, der damals 7 Jahre war, ja natürlich gezwungen zum Essen und er musste sich immer wieder übergeben. Et la mère n'a pas pu admettre le fait qu'il renonce à toute nourriture et boisson et l'a forcé à l'âge de 7 ans à continuer à s'alimenter. Und er hat noch etliche andere wundersame Erscheinungen gehabt und deswegen hat ihn die Familie dann mit 11 Jahren weggehen lassen und er hat dann jahrzehntelang meditiert im Himalaya und im Dschungel. Donc la famille, il présentait également d'autres faits extraordinaires qu'il est trop court d'aborder là, mais la famille, au bout d'un certain nombre d'essais, de tentatives de le raisonner, l'a laissé partir à l'âge de 11 ans où il est parti méditer dans l'Himalaya, dans la jungle. Und er ist dann erst sehr spät, also vor 15, 20 Jahren, ist er zurück in die Gesellschaft gekehrt. Et ce n'est que très tardivement, il y a une quinzaine d'années, qu'il est revenu dans la société. Er hat jahrzehntelang sozusagen meditieren verbracht, als Einsiedler-Yogi. Pendant des décennies, il est resté en ermite, à méditer, en tant que yogi. Und so ist es dadurch, dass er dann in die Zivilisation zurückgekehrt ist. Er sagt ja, Prahlad Diani sagt, es gibt viele von seiner Art, die im Himalaya und im Dschungel meditieren, ohne zu essen und zu trinken. Er ist kein Einzelfall, sagt er. Diani Prahlad affirme qu'il n'est pas un cas isolé et que lui connaît de nombreux autres yogis qui passent leur vie à méditer dans la jungle ou dans les montagnes. Sans nourriture, sans rien. Aber der Glücksfall war Mais jetzt l'heureux événement est que Diani Prahlad est retourné dans la société. Und so kam es dann, dass dem Dr. Shah, der ja die Untersuchung geleitet hat, jemand erzählt hat von diesem Yogi. Et c'est ainsi, dans ces circonstances, qu'un autre médecin a relaté l'existence de Diani Prahlad au Dr. Sudhir Shah. Dr. Sudhir Shah ist ein westlich ausgebildeter, anerkannter Mediziner. Et le docteur Sudhir Shah a fait ses études en Occident. Il a terminé ses études en Occident. Il est donc comparable à d'autres médecins occidentaux. Er kommt aber vom kulturellen Hintergrund des Jainismus. Mais vient également avec un bagage culturel imprégné par le jainisme. Die Jains ist eine sehr kleine Gruppe, die sehr lange fasten können. Also für die Jain. Les Jains sont un petit groupe. C'est une religion relativement modeste et pour qui le jeûne représente quelque chose de très important et qui sont capables de jeûner sur des périodes prolongées. Er hat von daher, Oui, c'est pour les Jain, parce que nous avons reçu lundi dernier, Satish Kumar, qui est un ancien Jain, qui a quitté les ordres dans lesquels il s'était engagé suite au message de Gandhi que nous avions reçu. Donc pour les Jain, il s'agit bien d'être dans la non-violence. Le jeûne fait partie intégrante de leur vie, parce que même les laïcs, qui sont dans la vie de tous les jours, ont l'occasion de faire une fois par an un mois de jeûne, sans aucun problème, enfant comme adulte. Tout à fait, tout à fait. Et c'est dit dans le film d'ailleurs. Tout à fait, oui. Er hat letzten Montag hier eine starke Persönlichkeit vom Jain empfangen, ja, okay. Und hat darüber schon berichtet. Okay. Und, aber geh weiter. Und daher hat der Dr. Shah natürlich ein Verständnis, ein Grundverständnis gehabt. Es ist auch im Jainismus sozusagen unverständlich, dass jemand 70 Jahre nicht trinkt und nicht isst. Also auch er war natürlich skeptisch. Dans ce contexte, le Dr. Sudhir Shah avait bien entendu une petite avance dans l'approche du phénomène. Ceci dit, lui-même était extrêmement sceptique, parce que même dans la religion Jain, il n'est pas admis ou il n'est pas l'usage que quelqu'un puisse jeûner pendant 70 ans. Aber er hat sozusagen durch seinen kulturellen Hintergrund das zumindest einmal nicht a priori abgelehnt, sondern hat eine Studie, also hat es dann dem indischen Verteidigungsministerium vorgeschlagen, und es wurde dann sozusagen eine Studie zusammengestellt, um zu überprüfen, ob das stimmt, ob da was dran ist. Avec cette approche favorable et malgré son scepticisme par rapport à la véracité de ce qu'on lui affirmait, sur ce jeûne prolongé de 70 ans, enfin c'est pas un jeûne, mais l'abstinence totale de nourriture et de boisson, il a réussi à convaincre le ministère de la Défense, ne trouvons pas d'autre alternative pour financer l'analyse, et Und es war jetzt nicht so, weil man im Internet liest, das ist sozusagen die Privatstudie vom Dr. Shah. Nein. Et contrairement à ce qu'on peut lire sur Internet, que cette étude est l'étude personnelle du Dr. Sudhir Shah, pas du tout. Er hat die Studie initiiert. Il n'a fait qu'initier. Aber in die Studie waren mehr als 2 Dutzend Ärzte involviert. Mais dans l'étude, plus de 2 douzaines de médecins ont été impliqués, en fait entre 30 et 35. Und diese Ärzte wurden von unabhängigen Instanzen der indischen Ärztekammer und des indischen Verteidigungsministeriums kontrolliert. Et ces médecins ont été contrôlés, ainsi que l'exécution du protocole de l'étude a été contrôlée par l'Association des médecins d'Inde ainsi que les délégués du ministère de la Défense. Und diese Instanzen garantieren sozusagen für die lückenlose Überwachung, dafür, dass er nichts gegessen hat, nichts getrunken hat, dass das Studienprotokoll korrekt ausgeführt wurde. Et ces deux instances garantissent la bonne exécution du protocole et de la surveillance, et que Yani Prahlad n'a pas pu échapper à la vigilance ni des caméras vidéo ni la surveillance de visu. Alors ce qui interpelle de prime abord dans ce cadre-là, c'est que l'Inde, de même que la Chine, les pays d'Asie d'une manière générale, dans ce genre de phénomène, partent avec plus d'une longueur d'avance sur nous en tant qu'Européens. Ils ont cette vision, même au XXIe siècle, alors que la Chine et l'Inde sont des pays plus ou moins pré-industrialisés, en voie de développement bien avancé, hein, puisque maintenant on sait leur position dans le monde. Eh bien, le fait qu'il y ait encore des sadhus, des yogis, qui se promènent nus dans les villes, qui c'est exceptionnel, parce que généralement ils sont dans les montagnes, dans l'Himalaya, dans les jungles, dans les déserts, ces hommes existent et font partie intégrante de la culture de ces pays. Donc, très intéressant de voir la position de ces médecins indiens, qui effectivement ont fait leurs études en Europe, et de l'autre côté, de voir que ça fait partie de leur bien patrimoine culturel, et de l'approche qu'ils ont partagée entre le scepticisme et la culture, où se trouve la science dans tout ça, et l'analyse, le rationnel. Et c'est très intéressant de voir ce que répond le médecin en chef de l'institut qui a porté donc attention à ce Mataji, à cet Indien, en lui disant face à face, bon, mon coco, je vais t'avoir, hein, le protocole c'est ça, tu seras sous surveillance de deux caméras constamment, ainsi que de personnel surveillant qui ne te quitteront pas une seule seconde, et notamment et surtout pour voir si il déféquera et s'il y ruinera. Ouais. C'était surtout ça aussi le plus important. Merci pour la traduction, Laurent. Je suis désolé, Yann. Er findet in diesem Zusammenhang den kulturellen Vorsprung von den indischen oder chinesischen Bearbeitern dieser Fälle interessant, obwohl die beiden Länder industriell etwas zurückliegen, selbst wenn sie das jetzt aufholen zurzeit. Man weiß ja, wie die Positionen der beiden Länder aktuell im Weltraum sind. Findet er trotzdem, dass der Dr. Sudhir Shah, selbst wenn er offen ist, dem Jani Pralat in die Augen schaut und sagt, jetzt ist die Stunde der Wahrheit, jetzt kommst du dran und wir lassen dir keine Lücke, um das entweder zu entlarven oder... Ja, das sind skeptische Wissenschaftler, die sind ja auch alle im Westen ausgebildet worden. Der Dr. Shah ist in Amerika ausgebildet worden. C'est effectivement, il s'agit en l'occurrence de scientifiques sceptiques. Ils ne sont pas du tout favorables. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été éduqués scientifiquement, le docteur Sudhir Shah, aux États-Unis, dans les meilleures universités. Et ils ont donc une approche occidentale, même, comme tu disais, s'ils ont ils baignent dans un contexte culturellement plutôt favorable, ils n'y croyaient plus. Also diese Studie ist nach westlichen Maßstäben gemacht, eine sogenannte Level A Evidence Studie. Cette étude a été conduite selon des critères occidentaux et non pas libres, mais occidentaux et considérée comme niveau A, Level A. Es gibt also für jede Sekunde Videoüberwachungsmaterial. Pour chaque seconde, il existe le matériel vidéo de surveillance. Jamais ça n'a été interrompu. Wenn der Pralat Jani also zum Beispiel für die Blutuntersuchungen oder für die Computertomographie das Zimmer verlassen hatte, wurde er mit einer mobilen Videokamera überwacht. Les seuls cas où Jani Pralat a pu quitter son espèce de cellule, dont les toilettes étaient scellées, les seuls cas où il a quitté cette espèce de cellule étaient pour les analyses sanguines ou de ses organes, oui. Et c'est une unité mobile avec une caméra qui l'a suivi. Jamais il y a la moindre interruption. Er war die ganze Zeit im Hospital. Es wurde auch zum Beispiel, es wurden die Kleider und die Bettlaken untersucht, ob da kleinste Flecken von Urin gewesen wären. Il a été sous surveillance permanente, ainsi que ses habits qui ont été analysés, ses draps, son pantalon, pour rechercher des traces urinaires qui étaient très, très importantes. Die ersten 7 Tage durfte er sich nicht einmal waschen, damit er nicht einmal Kontakt über die Haut mit Wasser hatte. Malgré l'importance de l'eau pour un yogi, il a consenti, Jani Pralat, à se priver totalement de tout contact avec l'eau pendant les 7 premiers jours où il n'a pu même pas se laver ou s'essuyer. Il n'a eu aucun contact avec de l'eau pendant 7 jours, ni pour se laver, ni pour se gargariser, comme certains affirment qu'ils ne sont pas au courant de l'étude, des faits. Donc aucun contact pendant 7 jours avec l'eau. Diese Studie wurde also nach strengen westlichen Maßstäben durchgeführt. Und natürlich wollte das indische Verteidigungsministerium da keine Lücken haben. Und ich persönlich sage, es wird doch das indische Militär in der Lage sein, einen einzelnen Yogi zu kontrollieren. C'est un fait établi que des critères d'analyse occidentaux ont été appliqués pour cette étude sous la surveillance du ministère de la Défense indien, qui n'avait certainement pas envie de falsifier les résultats puisqu'ils sont intéressés à la découverte du mécanisme pour en tirer profit. Et Peter dit, à juste titre, qu'il fait tout de même confiance au ministère de la Défense indien pour surveiller un seul yogi. Oui, on l'espère aussi. Alors, la condition sine qua non pour que ce yogi accepte cette étude, c'est qu'il ne souhaitait aucune invasion invasive. Voilà, dans son corps, donc. Die einzige Bedingung von Jani Prahlad war keine invasiven. Ja. Invasiv heißt etwas in ihn hineinzuspritzen. Aha. Invasive dans le sens où il n'a pas voulu qu'ils injectent quelque chose en lui. Es durften ihm keine Kontrastmittel gespritzt werden. Par exemple, des produits de contraste ou de traçant. Aber es wurde Blut abgenommen. Ils ont pu prélever des échantillons sanguins. Es wurde zweimal am Tag Blut abgenommen und es deux fois par jour, des prises de sang. Es wurde eben mit Ultraschall und Computertomographie der komplette Körper überwacht. Et le corps entier a été scanné par par des moyens échographiques et de scanner. Und selbst wenn ihm jemand was hineingeschmuggelt hätte, hätte man das sofort gesehen natürlich. Et si dans l'hypothèse où quelqu'un aurait réussi à déjouer toute la surveillance, eh bien, il l'aurait immédiatement remarqué dans les organes. Qu'il y a une substance qui apparaît soudainement. Alors, ce qui interpelle de prime abord, c'est la certitude du médecin en chef hospitalier de pouvoir tout de suite montrer la falsification de ce yogi, parce que qu'on puisse vivre d'un jeûne sans boire ni manger pendant un certain laps de temps, c'est une chose. Mais forcément, on va retrouver des selles et voilà. De l'urine. Et c'était là-dessus qu'il comptait pouvoir montrer que c'était une falsification, un usurpateur. Das Überwachungsteam der Ärzte ist da also davon ausgegangen, dass sie, selbst wenn fasten könnte, dass sie wenigstens Urin entdecken, ihn zu entlarven als Fälscher. Der Punkt ist, es geht um die harnstoffpflichtigen Substanzen im Blut. Also der Urin selbst, man hat in der Blase gesehen, dass sich Flüssigkeit gebildet hat, aber die wurde wieder resorbiert von der Blase. Le fait étonnant, c'est que les substances urinaires ont été surveillées justement dans l'attente de constater l'invalidation du phénomène. Mais il est donc apparu dans les scanners le liquide qui arrivait dans la vessie, mais qui a été réabsorbé par la paroi de la vessie. C'est ça qui est incroyable. C'est nouveau. C'est une... Es ist nicht erklärbar und er hat... Ce n'est pas explicable. Er hat keine Möglichkeit gehabt zu urinieren. Wie gesagt... Er hat keine Toilette gehabt, er konnte nicht baden, die Kleider wurden untersucht, ob Urinflecken sind. Es ist Jani Prahlad, on peut affirmer sans doute que Jani Prahlad n'a pas eu la moindre chance d'échapper à ce constat d'absence d'urine. Und es parce que ses habits ont été contrôlés plusieurs fois par jour, et sur les organes surveillés par les scanners et les échographies. Und es wurden vor der Studie natürlich von der Ethikkommission Grenzen vorgegeben, wann die Studie abgebrochen werden hätte müssen. Bien entendu, une commission éthique a défini des valeurs minima et maximum et si ces valeurs avaient été atteintes lors des prises sanguines, etc., l'étude aurait été abruptement terminée. Bien sûr. Voilà. Alors ce qui interpelle aussi, bien entendu, c'est... De toute façon, tout interpelle dans ce film, parce qu'on va en découverte en découverte. Et moi, ce qui m'a aussi étonné, c'est de ces spécialistes, notamment l'urinologue, qui constatent que la vessie se remplit, et puis ce vide, mais pas d'urine, comprend pas, il ne sait pas. Pareil, les autres organes, le foie, les reins, Alors, ce qui aussi est intéressant, c'est qu'il constate que même pour un homme de 78 ans, les organes sont comme neufs. Comme d'un jeune... Enfin, moi, c'est ce que j'en ai compris, comme d'un jeune adulte. Er ist sehr erstaunt über die Bemerkung, dass, dass sämtliche Organe normal funktionieren und dass er im Alter von 78 Jahren einen Zustand der Organe von einem viel jüngeren Menschen aufweist. Diese ganzen medizinischen Erkenntnisse sind total verblüffend. Er hat Hirnkranzgefäße, die dem eines 25-Jährigen entsprechen. Toutes les constatations scientifiques sont absolument étonnantes et il a par exemple des vaisseaux sanguins cérébraux qui sont dans l'état d'un homme de 25 ans. Es wurden auch im Blutbild, es wurden neue Metabolismusmuster entdeckt. Es gibt dans l'image des analyses sanguines ont été découvertes des nouveaux schémas du métabolisme. Wie gesagt, wie wir vorher bei Michael Werner gesagt haben, es gibt so etwas wie einen typischen Fastenstoffwechsel, einen Hungerstoffwechsel. Comme évoqué tout à l'heure à propos du cas du docteur Michael Werner, il y a des symptômes évidents de jeûne avec l'apparition de l'hormone kétonique. Weil eben, sozusagen, es ist keine Kunst, 10 Tage ohne Essen und Trinken, ohne Essen zu überleben. Das ist nicht pas une prouesse que de rester pendant 10 jours sans manger ou même de boire. Aber im Normalfall sieht man das sofort an den Blutwerten, weil Mais dans les valeurs sanguines, on voit immédiatement l'apparition des valeurs kétoniques. Weil eben diese Ketonkörperkurve sehr stark ansteigt. Und bei Pralhadiani war sie eben flach. Et chez Yanni Pralhad, ces valeurs-là étaient constantes. Elles n'ont pas augmenté. Also vom zweiten bis zum 10. Tag war die Kurve komplett flach. Es hat nur am ersten Tag einen kleinen Anstieg gegeben und dann war sie ganz flach. Normal wäre ein ganz steiler Anstieg gewesen. Normalement, on aurait pu s'attendre à une montée impressionnante de ces valeurs. Mais chez Yanni Pralhad, il n'y a eu qu'un léger accroissement lors du premier jour. Entre le deuxième et le dernier jour, cette courbe est restée absolument constante. Und abgesehen davon würde ein normaler Mensch, wie gesagt, am 5. bis 6. Tag sterben, ohne urinieren, ohne trinken. Mis à part cela, un homme normalement constitué serait mort au bout du 5e jour, au plus tard, par l'auto-empoisonnement des substances urinaires qui ont empoisonné le sang. Alors, tu viens de nous dire, il y a quelques instants, Peter, que il avait les organes, pour un homme de 78 ans, les organes d'un adulte de 25 ans. Alors, la question, au vu du tout début de notre émission, comment se fait-il si effectivement... Là, notre conscience, on va y venir un peu plus loin encore dans l'émission, que notre conscience ordonne, je dirais, la matière, et qu'elle nous permet de retirer justement cette lumière photonique au niveau de cellulaire et de nourrir nos cellules. Comment se fait-il que cet homme ait l'intérieur de son corps d'une personne de 25 ans, qu'à l'extérieur, en tout cas toi, tel que tu l'as compris, qu'il ait l'apparence de quelqu'un de 78 ans? Et je fais un aparté sur ses yeux aussi. On se demande s'il n'a pas plus ou moins peut-être la cataracte au vu de la pupille qui est totalement dilatée. Es ist erstaunlich, dass der Yanni Pralhad im Inneren Organe von einem 25-Jährigen aufweist und dass dieses ordnende Bewusstseinsprinzip ihm ermöglicht, durch Lichtnahrung zu leben. Wie hast du das empfunden, wo doch seine Augen eher Zweifel aufkommen lassen? Er sieht aus, als ob er eine Katarakte unter einem Augenfehler leiden würde. Je ne sais pas. You don't know. No. About his eyes. But encore une fois, le fait qu'il ait l'occasion d'avoir un corps d'un homme de 78 ans, on le voit, c'est un vieux monsieur. Il y a un contraste étonnant dans justement le fait que la conscience ait l'occasion d'ordonner l'intérieur de son corps avec des organes sains d'une personne de 25 ans et l'extérieur. Er weist den äußerlich, den Körper eines 78-Jährigen auf, wo doch seine Organe im Inneren, die von einem 25-Jährigen. Pas d'explication. Ich habe keine Explication. Peter n'a pas d'explication là-dessus. Par contre, il a donné tout le résultat aux scientifiques autrichiens et allemands qui ont réagi en disant « mais c'est une bombe ». Es gibt natürlich sozusagen Dinge, die widersprüchlich sind, aber nichtsdestotrotz gibt es genug harte Fakten für die Wissenschaft, um hier weiter zu forschen. Il y a des données contradictoires qui sont déconcertantes. Néanmoins, l'étude fournit assez de détails qui devraient passionner tout scientifique sérieux. Digne de ce nom. Voilà. Alors, c'est vraiment spectaculaire. Alors oui, et on le voit à l'étude de tous les organes, le cerveau, le foie, la rate, la vessie, les reins. C'est totalement incroyable et ça ressort vraiment bien dans le film. Alors bien entendu, là-dessus, on voit à quel point... Alors, ce Mataji a sa croyance, il est persuadé d'avoir vu... alors ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le fait qu'il, là où il a commencé... à vivre de cette manière-là, c'est il dit « Je me suis retrouvé en pleine lumière et j'ai rencontré trois déesses, dont Lakshmi, c'est la seule dont je me souviens, et que ces trois déesses l'ont pointé du doigt au niveau de son crâne et que c'est à partir de là où il n'a plus eu besoin de manger. » Yanni Pralat erzählt, dass seit der Begegnung mit den drei Göttinnen, die ihn berührt haben, und dass seit diesem Moment nicht mehr also seit diesem Moment nur noch von Lichtnahrung lebt. Je note donc cet événement bien spécifique où il s'est retrouvé en pleine lumière. Wo er vollkommen im Licht, nur noch Licht gesehen hat. Qui fait bien entendu écho au nom du film, Lumière, bien entendu, ça c'est une chose. Mais en même temps, on parle du prana et du chi. Et cet homme, à travers sa culture, sa propre vision de l'hindouisme d'une manière générale, alors c'est... entre guillemets, auto-persuadé, parce qu'il parle même, lui, d'halluciner, me semble-t-il. Er selber spricht von Halluzination, wo er nur noch Licht sah. Oui. Et que dans ce sens-là, il s'est auto-convaincu, peut-être, je sais pas, on essaie de comprendre. Hat sich in diesem Moment selbst überzeugt? Wie kann man das verstehen? Sagt ja auch heute noch, wenn er in Ekstase gerät, dann kommt er in diesen Zustand, wo er nur noch Licht sieht. Il dit encore aujourd'hui que chaque fois qu'il est dans cet état, qu'il ne perçoit plus rien d'autre que de la lumière. C'est incroyable. Dans ce sens-là, on revient au prana et au ki, et surtout au bigou, parce que là où c'est intéressant, c'est la séance de groupe que tu as fait de cette chinoise qui est maître Qigong et qui a reçu de son maître chinois l'occasion de recevoir le bigou, donc de ne vivre que de ce prana, de ce ki, et de le redistribuer à des personnes se trouvant dans assistance. Wo wir wieder zurückkommen auf deine Gruppenerfahrung mit dieser Qigong-Meisterin, die dir das Bigu vermittelt hat und die es selber von ihrem Meister erhalten hat, um es weiter zu verteilen. Donc là, il y a un élément nouveau, c'est que non seulement une personne seule peut pour elle-même capter cette énergie vitale pour s'auto-nourrir et faire fonctionner tous ses organes en plus, c'est ça qui est incroyable, c'est que les organes tous fonctionnent. Und das Erstaunliche dabei scheint zu sein, dass alle Organe normal weiter arbeiten, obwohl die Person im Bigu-Zustand ist. Et de l'autre côté, und auf der au-delà, anderen Seite, au-delà de le faire pour soi-même, de pouvoir donner cette énergie consciemment à d'autres personnes. Anstatt das für sich zu behalten, auch bewusst fähig zu sein, diesen Zustand anderen zu vermitteln. Ja. Diese Fähigkeit der Energieübertragungen wird ja als eine der Möglichkeiten in den Bigu-Zustand zu kommen im medizinischen Qigong beschrieben. La capacité de transmettre cet état de bigou à d'autres est tout à fait décrit dans le Qigong. Es gibt auch die Möglichkeit, es gibt auch spezielle Qigong-Übungen, um sozusagen die direkte Aufnahme des Qi in den Körper zu steigern. Il y a également des exercices de Qigong qui sont pratiqués pour augmenter la capacité d'absorber l'énergie soi-même par la peau. Und im medizinischen Qigong wird als dritte Möglichkeit auch beschrieben, dass es sozusagen immer diese spontane Erfahrung gibt. Es hat immer Menschen. Et dans le Qigong médical, il est également décrit qu'il y a cette expérience spontanée de ressentir le Qigong, le Bigu. Das kann man sozusagen als göttliche Erfahrung zusammenfassen, aus irgendeinem Grund, aus heiterem Himmel oft. On peut le décrire comme une expérience spontanée, subite, qui arrive au un moment non contrôlé. Und es wird auch oft beschrieben nach sehr schweren Krankheiten, dass das auftritt. Et il est souvent décrit que c'est après de très lourdes maladies que cela arrive. Menschen, die kurz vor dem Tod gestanden sind. Des personnes qui étaient juste avant la mort. Und plötzlich brauchten sie dann nichts mehr zu essen. Also et soudainement, ils n'avaient plus besoin de manger. Also es, bei vielen christlichen Heiligen wird das beschrieben. Also es ist sowohl bei der Thérèse von Connorsreuth zum Beispiel. Notamment chez beaucoup de saints, entre guillemets, enfin non, pas entre guillemets, chez beaucoup de saintes chrétiennes, par exemple Thérèse Neumann de Connorsreuth, c'est ainsi, elle avait une très lourde maladie, elle a guéri et s'est retrouvée dans cet état où elle ne buvait plus et ne mangeait plus du tout. Enfin, on en reparlera peut-être. Das heißt, aus meiner Erfahrung, jetzt bei meiner Recherche, habe ich sozusagen keinen gemeinsamen Nenner, was den Weg in diesen Zustand betrifft, gefunden. Es gibt sehr viele Wege. Dans l'expérience de Peter et de ses recherches, il n'a pas trouvé un chemin qui mène à cet état, mais a constaté qu'il y avait de multiples voies qui pouvaient arriver à cet état. Aber meiner Ansicht nach ist es ein Bewusstseinsphänomen. Mais selon son opinion, c'est un phénomène de la conscience. Alors on va y venir sur cette notion de conscience, parce que c'est vraiment l'essence même du film, hein, qui arrive vraiment à la fin du film. Da kommen wir nochmal zurück darauf, auf die Bewusstseinsfrage. Mais avant d'aborder la conscience, qui déjà c'est très très loin pour tous les sceptiques, la question qui se pose au vu de l'exemple parfait de ce Mataji, de cet Indien, qui, je le rappelle, 78 ans et dès l'âge de 7 ans ne mange plus, ne boit plus, qu'est-ce qu'il en est des sceptiques, de tous les ceux et celles qui, même en France à l'heure actuelle, puisqu'il y a eu différents articles dans des magazines dont on taira le nom, pas la peine de leur faire de la pub, ont eu l'occasion de tourner au ridicule les données des résultats qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir entre les mains, c'est pas possible au vu de ce que tu nous dis. Là aussi, comment est accueilli, ou les échos que tu peux avoir de tous ceux et celles qui peut-être sont sceptiques de prime abord des résultats de ce Mataji. Wie reagieren dann die Skeptiker auf die Fakten dieser Analyse um den Fall des Jani Prahlad? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Sie sagen, es ist Betrug. Ils prétendent que c'est une tromperie. Mit teilweise ganz dummen Argumenten. Also avec pour la plupart des arguments assez bêtes. Mit Argumenten, wo sich die Menschen nicht mit den Fakten auseinandergesetzt haben. Où ils ne se confrontent pas avec les faits. Es wird etwa gesagt, er durfte ja die ganze Zeit gurgeln und hätte da. Par exemple, les articles que tu mentionnes dans deux magazines en France, ils affirment qu'il a pu se gargariser avec de l'eau quotidiennement. Diese Leute machen sich nicht einmal die Mühe, dass sie sich das Studienprotokoll durchlesen, das im Internet abrufbar ist, wo ganz klar steht, dass er eben die ersten 7 Tage nicht einmal gurgeln durfte. Nachher wurde das Wasser dann vorher und nachher abgemessen. Ces pseudo-journalistes au gratte-papier ne se sont même pas donné la peine d'interroger le protocole scientifique que l'on peut trouver très facilement sur Internet et de lire de leurs propres yeux que Yanni Prahlad n'a pas été en contact avec l'eau pendant 7 jours et qu'ensuite, toute eau qu'il prenait effectivement pour gargariser a été mesurée avant et après et commentée. Und, oder es wird gesagt, dass der Dr. Schaar seinen eigenen Glauben beweisen wollte mit dieser Studie. Ou il est prétendu que grâce à cette étude, le Dr. Sudhir Schaar voulait prouver sa propre croyance. Dabei schauen diese Menschen nicht nach, dass der Prahlad Yani kein Jain ist, sondern ein Hindu. Mais ces copieurs de rumeurs ne constatent même pas que Yanni Prahlad n'est pas du tout Jain et qu'il n'a rien à voir avec le Jainisme. Also was würde das für einen Sinn machen, wenn ein Jain beweist, dass die Hindus besser fasten können als die Jains? Alors quel serait l'intérêt pour un Jain de prouver qu'un hindou, Yanni Prahlad, peut mieux jeûner ou se priver de nourriture qu'un Jain? Abgesehen davon war der Dr. Schaar nicht für die Überprüfung des Studienprotokolls zuständig. Mais à part cela, le Dr. Schaar n'a même pas été responsable de la surveillance et de l'application du protocole. Das Studienprotokoll wurde von unabhängigen Instanzen der Ärztekammer und des indischen Verteidigungsministeriums kontrolliert und die haben sozusagen die Überwachung kontrolliert, nicht der Dr. Schaar. Der Dr. Schaar hat die Studie initiiert. Le Dr. Schaar n'a fait qu'initier le protocole de l'étude. Son application n'a été surveillée et appliquée uniquement par l'Association des médecins d'Inde ainsi que le ministère de la Défense. D'ailleurs, dans ton film, tu as choisi une citation du Victor Hugo. Est-ce que tu t'en rappelles ? Kannst du dich an die Zitation von Victor Hugo erinnern, die du im Film? Da muss ich dazu sagen, der Victor Hugo ist nur in der französischen Version. Ou il faut ajouter que la citation de Victor Hugo, c'est moi qui l'ai rajoutée. Oui, bien sûr. Parce que dans l'original, c'est une citation de Søren Kierkegaard. D'accord. Et je voulais légèrement franciser. Es hat sozusagen einen ähnlichen Ausdruck. Der Kierkegaard sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, sich zu irren. Kierkegaard affirme qu'il y a deux manières de se tromper. Die eine ist eben zu glauben, was nicht wahr ist. La première étant de croire ce qui n'est pas vrai. Und die andere ist nicht zu glauben, was wahr ist. Et la deuxième de ne pas croire ce qui est vrai. Und diese sogenannten Skeptiker fallen in die zweite Kategorie. Et les sceptiques tombent dans la deuxième Kategorie. Das heißt, die denken nicht skeptisch, also diese sogenannten Skeptiker verwechseln skeptisches Denken mit negativem Glauben. Donc ces sceptiques ne sont pas des sceptiques, mais confondent le scepticisme et la croyance négative. Ils sont dans le dogme. Dans la religion, dans l'idéologie. Das ist nicht Wissenschaft, das ist eben Ideologie und Religion. Ce n'est pas de la science. Ce n'est pas la science que défendent ces colporteurs de rumeurs, mais l'idéologie, le dogme. Das ist die Religion des Materialismus, die derzeit vorherrscht in unserer C'est Welt. C'est la religion du matérialisme qui domine les courants scientifiques actuellement. Die hat ihren Ursprung in der Aufklärung. Et celle-ci a son origine dans les Lumières. Die Aufklärung war sehr wichtig für unsere westliche Welt. Da wurde eben die Materie vom Geist getrennt. Le mouvement des philosophes des Lumières a été extrêmement bénéfique pour notre civilisation, puisqu'elle a séparé la spiritualité du matérialisme. Das war sehr wichtig, um die Entwicklung der Naturwissenschaft zu ermöglichen, damit wir uns vom Aberglauben trennen. Ce qui a été déterminant dans notre évolution, puisque ça a permis de favoriser le développement des sciences naturelles qui a pu et qui nous a aidé à nous débarrasser des superstitions et des croyances. Die Gründer oder die Vordenker der Aufklärung haben aber nie gesagt, dass es so etwas wie Geist nicht gibt. Mais ces philosophes des Lumières n'ont jamais dit qu'il n'y a que la matière et qu'il n'y a pas le côté spirituel. Sie haben nur gesagt, wir müssen uns jetzt einmal auf die Materie konzentrieren. Ils n'ont fait que permettre que nous nous concentrions sur le matérialisme, sur le matériel, sur la matière. Das hat dann zu einem unglaublichen Erfolgszug durch die Technik geführt im 19. und 20. Jahrhundert. Ce qui a conduit à un essor fulgurant de la technologie, des techniques au 19e et 20e siècle. Es gibt einen sehr bekannten Physiker, einen theoretischen Physiker von der Technischen Universität Wien, den Professor Pietschmann. Il y a un physicien de l'Institut Polytechnique à Vienne, le professeur Pietschmann. Er sagt, die große Leistung der klassischen Naturwissenschaft war, die Welt so weit zu vereinfachen. Il dit que le grand accomplissement des sciences naturelles a été de simplifier l'image du monde et de la réalité, damit wir sie verstehen können, dass pour que l'homme puisse comprendre. Tatsache ist aber, dass die Natur viel zu kompliziert ist, um sie zu verstehen. Also zum Beispiel, die Schwerkraft gibt es nicht. Seit Einstein wissen wir, dass es Raumzeitkrümmung ist und nicht Schwerkraft zum Beispiel. Le fait est, die Tatsache ist, Entschuldigung. Also, die Schwerkraft gibt... Le fait est que il n'y a par exemple, depuis Einstein, nous savons qu'il n'y a pas de gravité, mais que c'est une courbe de l'espace-temps. Ja, man kann jetzt natürlich Flugzeuge, baut man trotzdem aufgrund der klassischen Gesetze. Néanmoins, on construit des avions selon les lois de la physique classique. Trotzdem stimmen sie nicht. Toutefois, ils ne sont pas complets et ne sont pas tout à fait justes. Aber weil wir jetzt Raketen zum Mond schießen können und alle telefonieren können, dieser enorme Erfolgszug der Technik hat dann dazu geführt, dass die meisten Menschen und auch die meisten Wissenschaftler diese vereinfachten Modelle der Wirklichkeit mit der Wirklichkeit verwechselt haben. Et ce succès fulgurant des technologies et le fait que nous tirions des fusées sur la Lune et qu'on puisse tous téléphoner avec un téléphone cellulaire ont conduit à ce que les hommes confondent la réalité et l'image qu'on en a, l'image simplifiée qu'on en a donnée. Und es ist auch heute noch so, dass ich habe 1989 maturiert und ich habe das Bohrsche Atommodell in der Schule gelernt, als Erklärung, wie Materie funktioniert. Peter, wann hast du? 1989. Fini ses études en 89 et a encore appris le modèle de Bohrsche pour expliquer. Dieses Modell sozusagen, wo in der Mitte ein Proton ist und die Elektronen kreisen. Donc au milieu un proton et les électrons qui gravitent autour. Es ist falsch, man weiß es seit 1902. Depuis 1902, on sait déjà que c'est faux. Man weiß nicht, was die Materie festmacht, weil es eigentlich nur Schwingung ist. On ne sait pas ce qui rend la matière dure. Parce que ce ne sont que des vibrations. Im Kernforschungszentrum CERN werden Milliarden ausgegeben. Et dans le Centre européen de recherche nucléaire, le CERN, oui, à Genève, on dépense des milliards. um endlich herauszufinden, was der Materie die Festigkeit und die Masse gibt, weil man es nicht weiß. Es ist nur Schwingung. Pour découvrir ce qui donne la densité et la masse à la matière. Mais on ne le sait pas, ce ne sont que des vibrations, des ondulations. Des ondulations. Und die Quantenphysik hat uns durch das quantenphysikalische Messparadoxon gezeigt. Et la physique quantique nous a déjà démontré par le paradoxe. Quantenphysikalisches Messparadoxon. Ça va être difficile à traduire. Quantum measurement paradoxon. Le paradoxe de la mesure quantique. It means quantenphysikalische Messparadoxon. Das heißt, dass bevor ein Teilchen gemessen wird, befindet es sich in einem Zustand der Potentialität. Also es kann. Avant que l'on mesure une particule élémentaire, elle se trouve dans une potentialité. Erst durch den Akt der Messung wird es manifestiert. Elle ne se manifeste, cette particule élémentaire, qu'à partir du moment où on l'observe, de l'acte de conscience qui veut l'avoir. Ouais. Das materialistische Dogma, que le dogme matérialiste ist ein Glaube, est une croyance. Das ist nicht Wissenschaft. Ce n'est pas de la science. Und durch diese groben Modelle, die zwar im Alltag gut funktionieren und man kann Autos damit bauen und Telefone und alles Mögliche. Et par ces modèles grossiers qui permettent tout, quand même de fonctionner dans la vie quotidienne avec des voitures, des avions, etc. Fallen viele Phänomene einfach durch. Il y a énormément de phénomènes qui ne rentrent pas dans ce schéma explicatif et passe à la trappe. Und alle diese Phänomene, die nicht in dieses Schema passen, werden da gibt's eine andere Studie von Professor Wallach dazu. Et tous ces phénomènes qui ne répondent pas au schéma, il y a une autre étude du professeur Wallach. Wenn Phänomene nicht in die klassische materialistische Ideologie passen, dann wird lorsque les phénomènes ne correspondent pas au modèle explicatif classique, wird üblicherweise so damit umgegangen, dass zuerst versucht wird, diese Phänomene so lange zu drehen, bis sie reinpassen. Qui consiste à tourner et retourner ces phénomènes aussi longtemps jusqu'à ce qu'ils cadrent avec le schéma. Voilà. Wenn das nicht gelingt, werden sie ignoriert oder als Betrug abgestempelt. Ou on les qualifie de tromperie. Alors, on va aborder justement la conscience. Et avec moi, ce témoignage est d'une extrême importance. Et j'étais encore une fois très agréablement surpris. C'est avec Zinaïda Baranova, jetzt cette Russe. Jetzt kommen wir zum Bewusstseinsgespräch, wo sehr beeindruckt war von der Zinaïda Baranova. Ouais. Alors cette femme qui doit avoir une bonne cinquantaine d'années, si ce n'est pas 60, je ne sais pas. 50 oder gar 60 ist. Elle ne boit, je ne sais pas si elle boit. Je sais qu'elle elle ne mange pas. Elle ne mange pas, elle ne boit pas. Oui. Et ce qui peut paraître incroyable, parce que là aussi on a vu le cas en Inde, c'est que cette femme, elle a, quand on la voit, on dit. Oui, une bonne vivante. La dame, elle a du poids. Et pareil en Inde, avec là aussi un homme qui mesure 1m75 pour 90 kilos. Ratan Malek. Ouais, on s'étonne, on se dit, s'ils sont effectivement sans boire ni manger, comment peut-on expliquer cette dichotomie entre le fait qu'ils aient un corps en surpoids. Die Zinaida oder der Ratan Malek sind ja nur übergewichtig. Obwohl sie nicht essen und auch nicht trinken. Wie kann man sich hier das... Ratan Manek trinkt schon. Ah, Ratan Manek, il boit, mais il ne mange pas. Mais elle ne boit pas. Und er hat auch in diesen, seit 1993 isst er nichts mehr, er hat 6 bis 7 Mal gegessen in dieser Zeit, sagt er. Depuis 1993, Ratan Manek... a manger 6 à 7 fois, c'est-à-dire que c'était pas une période d'abstinence totale. Mais il ça ne justifie pas ce surpoids de toute façon, et pareil pour Zinaïda. Was trotzdem das Übergewicht nicht ganz, ja. Da kann ich nur sagen, von der inneren Logik her, also wenn es funktioniert, dass ich nichts esse und nichts trinke und mir wachsen Fingernägel und mir wachsen Haare, dann ist es auch keine Kunst, dass ich Fettzellen wachsen kann. À partir du moment, pour Peter, il lui apparaît qu'à partir du moment où on ne s'alimente pas et que pourtant les cheveux, les ongles poussent, etc., pourquoi il ne se constituerait pas de la graisse aussi ? Donc pour lui, il ne voit pas vraiment quelque chose de choquant parce que de toute manière, il ne comprend pas pourquoi. Tout continue. Alors c'est très intéressant. Alors surtout que cette femme, cette Russe, a son explication sur le fait qu'elle puisse ne pas boire ni manger. Was erstaunlich ist, ist, dass diese Zinaida ein Erklärungsmodell. Elle nous dit concrètement que pour elle, le fait qu'elle puisse être dans cette capacité-là, c'est dû au fait qu'elle nourrit, et Jasmine aussi le dit, elle nourrit des bonnes pensées, qu'elle est ouverte au monde, que... Wie Jasmine sagt sie, dass sie gute Gedanken übt. Qu'il s'agit vraiment d'une conscience, de faire un avec le avec tout, que nous sommes tous unis. Ein Bewusstsein mit der Einheit, also dass wir alle eins sind. Et cette femme, qui apparemment a l'air très simple, a cette einfache Frau, cette conscience que le corps physique n'est pas tout, et elle nous montre, extraordinaire pour une femme russe, comment est constitué l'être humain avec ses différents corps, voilà, les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, sachant que la plus petite des poupées représente le corps physique. Und sie gibt, sie kommt zum, sie erwähnt das Bewusstsein als Erklärung und erklärt in ihrer ganz, in ihren ganz einfachen Worten mit diesen russischen Puppen, mit den Babuschkas, dass unser Körper nur der allerkleinste, die allerkleinste dieser Babuschkas ist. Alors, déjà, moi, je me suis étonné de ça, que cette femme ait cette compréhension-là et cette simplicité dans les mots, là aussi. Et alors, elle va voir son médecin, dans la, je ne sais pas si c'est une clinique ou un hôpital, et là aussi, on voit à quel point les Russes sont en avance dans la médecine qui allie, quelque part, pour ma part, hein, l'Asie et l'Occident, parce qu'il y a vraiment cette réunion, où ils se servent de l'effet Kirlian. Incroyable. Elle va voir son médecin dans l'hôpital. Le médecin, bah oui, madame, mettez votre doigt ici. Et on voit l'aura de cette femme. Une aura magnifique. Et le médecin nous explique. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus de ce que quelqu'un en bonne santé et quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, et dans la mesure du possible, comment tu as perçu le fait qu'en Russie, dans les hôpitaux, ils utilisent l'effet Kirlian? Es hat ihn gewundert, dass sie mit ganz einfachen Worten das Phänomen so gut erklärt. Und zum Schluss sehen wir auch noch, wie sie in ein russisches Krankenhaus geht. Und für ihn ist das so ein, sozusagen ein Kompromiss zwischen der östlichen und der westlichen Medizin, wo die Ärzte den Kirlian-Effekt anwenden. Was hast du davon gefunden, dass die dort so einfach damit umgehen? Und ich war sehr überrascht. Ich habe vorher von dieser GDV-Fotografie, die eben auf dem Kirlian-Effekt beruht, noch nie etwas gehört gehabt. Il a été très surpris de le constater parce qu'il n'avait pas entendu parler de cela avant. Und ich wollte dann sehen, wo das gemacht wird und wie das gemacht wird. Il voulait voir où cela était pratiqué. Und ich habe dann gesehen, dass dort in Krasnodar ist es sozusagen nicht in den Esoterik-Shops angesiedelt, wie bei uns, sondern das ist dort eine normale Poliklinik, wo das GDV als zur Analyse verwendet wird. Et là-bas, à Krasnodar, c'est pas dans les boutiques ésotériques, mais dans les hôpitaux qu'ils utilisent cette technique tout à fait. Und ich wollte dann natürlich wissen, wie das funktioniert. Und et vous voulez savoir comment ça fonctionnait. Ich habe dann rausgefunden über den Zentralvertrieb von GDV, dass es in Österreich ein Institut gibt für Grenzfragen der Medizin, die mit diesem Gerät arbeiten. Et par le fabricant de l'appareil, il a trouvé qu'en Autriche, il y avait un institut des sciences, des limites de la science, à la frontière de la science, un institut spécialisé là-dedans, qui avait l'appareil et qui l'utilisait. Den Professor Hacker sieht man ja auch im et on voit le professeur Hacker dans le film. Und sagt eben, dieses Energy Field, dieses Energiefeld, das den Körper umgibt, das sich mit dieser Fotografie darstellen lässt, steht offensichtlich oder wahrscheinlich im Zusammenhang mit dieser Qi-Energie, die le professeur die Chinesen postulieren. Explique que ce champ énergétique est en rapport avec l'énergie Qi que connaissent les Chinois. Und man sieht eben, dass es sehr wohl Möglichkeiten der westlichen analytischen Vorgangsweise gibt, sich diesen Phänomenen zu nähern, also diesen feinstofflichen Phänomenen. Il y a des tentatives en Occident de s'approcher de ces phénomènes plus subtils, d'énergie subtile. Und mein Film ist ja eigentlich auch ein Plädoyer, dass man diese Strömungen zusammenführt, dass man die Schulmedizin ist wichtig und auch die östliche Medizin, sie können sich ergänzen. Et il est son film est un plaidoyer pour réunir les deux médecines occidentales et orientales qui peuvent tout à fait se compléter, qui ne s'annulent pas du tout. C'est weil natürlich kann uns die Schulmedizin bei gewissen Dingen extrem gut helfen. Et pour certaines maladies ou manifestations, la médecine académique est indispensable et nous aide énormément, nous apporte beaucoup. Bei anderen die östliche Medizin. Mais pour d'autres cas, la médecine orientale est beaucoup plus pertinente und et efficace. Mir hat der Ayurveda-Arzt, den man auch im Film sieht, also diese Interview-Passage ist nicht drinnen, aber er hat mir erzählt, der prinzipielle Unterschied zwischen der westlichen und der östlichen Medizin ist. Et le médecin ayurvédique que l'on voit dans le film a expliqué à Peter, mais ça n'a pas été retenu au montage. Dass die westliche Schulmedizin hat ihr komplettes Wissen von Leichen, durch das Sezieren von Leichen, vom toten Körper. La médecine occidentale a gagné une bonne partie de ses connaissances à partir de cadavres qui ont été disséqués. Während die östliche Medizin ihr komplettes Wissen vom lebenden Körper hat. Also in der chinesischen Medizin ist Sezieren gar nicht erlaubt. Alors que la médecine orientale a puiser ses connaissances dans le vivant puisque la dissection n'était pas autorisée. Drum sind die Schulmediziner unglaublich gut, wenn ich einen gebrochenen Fuß habe und in der Notfallmedizin. C'est pour ça que la médecine académique est excellente lorsqu'on s'est brisé un os. Aber sie sind hilflos, wenn Menschen chronische Schmerzen haben zum Beispiel. Mais sont sans recours lorsque il y a des douleurs chroniques. Da werden Menschen oft jahrelang durch den Spitalsbetrieb getrieben und es kostet Unsummen. Et certains parcourent un labyrinthe à travers les hôpitaux et cliniques qui coûte une fortune pour un résultat inexistant ou minime. Während die östliche Medizin mit ihrem energetischen Zustand das oft ganz schnell heilen kann. Alors que la médecine orientale arrive à une guérison, peut arriver à une guérison rapide avec leur approche énergétique. Weil die indische und die chinesische Medizin eben eine Vorstellung von diesen Energieflüssen, von diesen feinstofflichen Energieflüssen haben, die es in der Schulmedizin nicht gibt. Parce que la médecine indienne ou chinoise considère ces champs subtils d'énergie qui n'existent pas dans la médecine académique occidentale. Die westliche Schulmedizin weiß ja noch immer nicht, was uns lebend macht. Woher kommt das Leben? Woher kommt der Geist? La médecine académique occidentale n'explique pas et ne peut toujours pas expliquer d'où la vie vient. D'où vient l'esprit? Il n'y a aucune réponse à cela. Der Glaube der klassischen Naturwissenschaft, der materialistischen Naturwissenschaft ist, dass der Geist aus der biologischen Gehirnaktivität entsteht. La croyance des sciences naturelles actuelles pense que l'esprit est une résultante de l'activité cérébrale biologique. Das ist ein Glaube, das ist Ideologie. C'est une croyance, c'est une idéologie. Und es gibt viele Indizien, die diesen Glauben herausfordern. Et beaucoup d'indices mettent cette croyance en doute. Das Beispiel der Lichtnahrung ist nur eines. L'exemple de la nourriture pranique n'en est qu'une. Drum sage ich, ich hätte meinen Film. In meinem Film geht es darum, das materialistische Weltbild zu hinterfragen. Et Peter réaffirme que l'intention de son film est de mettre en doute la vision mécanique matérialiste du monde. Ich hätte meinen Film genauso gut über Spontanheilungen machen. Mais à la place de la nourriture pranique, il aurait pu prendre comme base de départ les guérisons spontanées. Oder über Telepathie. Ou la télépathie, ou la télékinésie. Es gibt für all diese Phänomene unglaublich interessante Studien und harte Fakten. Pour tous ces phénomènes, il y a des études spectaculaires et irréfutables. Und das Interessante ist, zum Beispiel in medizinischen Studien macht der Placebo-Effekt oft 50-60% aus. Et dans des études médicales classiques, l'effet placebo peut représenter jusqu'à 50-60%. Aber was sind Spontanheilungen und Placebo-Effekte? Sind in Wirklichkeit der Beweis für Geistheilung. Mais que représente réellement l'effet placebo ce sont des manifestations de guérison par l'esprit. Aber statt sich damit auseinanderzusetzen, wird es abgestempelt als unwichtig. On l'écarte et on considère que c'est négligent. Und es wird gesagt, das ist nur Placebo-Effekt. Que c'est négligeable plutôt et que ce ne sont que des effets placebo. Dabei ist es doch das einzig Spannende. Ich mache irgendein Ritual, das eigentlich keinen materiellen Hintergrund hat und werde trotzdem gesund. Mais tout l'épice se trouve là-dedans parce que je fais un rituel, je peux faire un rituel quelconque ou prendre un sucre que je prends pour un médicament et cela provoque une guérison. Oder ich habe einfach nur gute Gedanken. Ou par l'émission que de bonnes pensées. Aber damit lässt sich kein Geld verdienen. Malheureusement, avec ces procédés, on ne peut pas gagner d'argent. autre élément. Il s'agit de la photo qui est reliée. Je reviens dessus parce que c'est quand même énorme. À l'heure actuelle, il existe sur le marché des machines qu'on attribue pour faire de la médecine quantique. Et ça nous vient des Russes. Il faut savoir quand même, il faut vraiment le savoir, je ne sais pas si tu es au courant, Peter, que les Russes, en voyant leur astronaute dans l'espace, se sont dit, quel est le moyen le plus sûr de ne pas envoyer une tonne de pharmacopée dans l'espace ? Et les Russes étant à la pointe, je dirais, de toutes les expériences sur les ondes électromagnétiques, quelles qu'elles soient, et on le voit bien avec l'effet Kirlian au sein des hôpitaux russes, il y a des machines qui ont été créées pour prévenir à l'avance les perturbations qu'il peut y avoir au niveau des organes et de ces différentes machines qui, à l'heure actuelle, sont de plus en plus en vogue, je dirais, en Europe. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les pays slaves. Laurent spricht das Thema an von russischen Maschinen, quantischen Maschinen, wo sie doch das Bedürfnis hatten, die Astronauten, die sie ins Weltall schicken, medizinisch zu überwachen, anstatt einen Sack voll Medikamente mitzugeben, haben sie diese Maschinen, die im Voraus anzeigen, welche Organe geschwächt erscheinen. Weißt du darüber etwas? Nein, darüber habe ich noch nichts gehört. Non, il n'a pas entendu. Peut-être un prochain sujet pour un film. Ja, vielleicht im nächsten Film. ja, da gibt es unglaublich. Il y a beaucoup de sujets. Alors là-dessus, pour l'effet Kirlian, ce qui est intéressant et ce à quoi il sert pour les médecins russes, c'est qu'ils peuvent percevoir dans les différents corps énergétiques les perturbations qu'il peut y avoir et de les associer à des organes ou alors à des chocs émotionnels et de constater que, en tout cas pour Zinaïda Baranova, ses corps énergétiques étaient parfaits. Der Kirlian-Effekt erlaubt es, Störungen im Körper nachzuweisen, im Energiefeld. Und was sehr erstaunlich war, dass bei Zinaïda alles perfekt war. Ja. Man muss dazu sagen, es ist nicht direkt der Kirlian-Effekt, sondern eine Verbindung, also dieses GDV ist eine Verbindung des Kirlian-Effekts mit der traditionellen chinesischen und indischen Medizin. Und sozusagen aufgrund dieser Verbindung lassen sich dann Rückschlüsse auf den Körper machen. Oui, c'était en fait, c'est pas aussi simple, mais c'est une combinaison. Cet appareil est une combinaison entre les connaissances sur l'énergie orientale avec l'effet Kirian et qui permettent de déduire, de faire des déductions sur d'éventuelles perturbations. Und ich habe diese Untersuchung auch gemacht in et Russland. Il a fait également cet essai. Alors. Und ich hatte ziemliche Löcher drin. Lui, malheureusement, a eu des trous un peu partout. Alors, est-ce qu'on t'a expliqué à quoi étaient dus ces trous? Hat man dir erklärt, was das bedeutet, was diese Löcher bedeuten? Ja, also ich habe diese Untersuchung zweimal gemacht und das erste Mal, also es war unmittelbar, ich habe ja dann immer gefilmt und war im Stress und habe dann schnell meinen Finger hingehalten und habe dann eben unglaubliche Löcher drinnen gehabt. Aha. Il a fait deux fois ce test et la première fois il était en train de filmer, enfin tout en même temps, et il a pointé son doigt dans la machine. Und ich meditiere jetzt seit 10 Jahren regelmäßig. Et depuis 10 ans, il médite régulièrement. Zweimal am Tag. Und deux fois par jour. Er hat dann gemeint, ich soll kurz einmal probieren, mich 5 Minuten hinsetzen und meditieren. Et le médecin a dit, bon, assieds-toi 5 minutes et médite. Und es war dann tatsächlich so, das hat mich so verblüfft, dass dann einige dieser Löcher tatsächlich ausgeglichen waren. Et chose qui l'a beaucoup étonné, c'est que suite à sa brève séance de méditation, certains de ces trous étaient comblés. Nichtsdestotrotz, dieses Feld von der Sinaida Paranova ist ein perfektes Feld eigentlich, ein perfektes Energiefeld. Néanmoins, le champ magnétique qui apparaît sur cette photo pour Zinaida est parfait et équivaut à un champion de décathlon. Oui, oui. C'est ce que confirme le professeur autrichien également. Man würde sich erwarten, dass bei so einer alten Frau dieses Feld... Oui. Alors quand on voit cette vieille femme avec son surpoids, etc., on s'attendrait pas à tout autre chose. Oui, à tout autre chose. Alors là-dessus, tu es parti au centre de Noétique qui a été créé par un astronaute qui justement se posait des questions. Hein, et dans ce sens-là, pourquoi avoir choisi le centre de Noétique? Qu'est-ce que tu espérais y trouver là-bas? Le centre, ouais. L'Institut de sciences noétiques qui se trouve en Californie. Hein. Was hast du in dem Noetikzentrum in Kalifornien gesucht? Also für mich ist ja sozusagen die Frage, kann Bewusstsein oder im Zusammenhang mit dem Film, kann der Bewusstseinseffekt so stark sein, dass er uns nähert, dass er den Körper aufrechterhält und dass er uns Nahrung gibt? Das war für mich die Frage. La question qui s'est posée, c'est est-ce que la conscience est capable de nous nourrir et de tenir le corps debout? Und tatsächlich hat es dort am Institute of Noetic Sciences eine sehr interessante Untersuchung gegeben, die man auch im Film sieht. Et effectivement, le centre de Noetic avait conduit une expérience passionnante qui est montrée dans le film. Und zwar wurde dort ein Versuch gemacht mit Schokolade, die von Meditationsmeistern mit glücklich machenden Gedanken besprochen wurde. Et où ils ont, cette expérience a consisté à préparer deux échantillons de chocolat, dont l'un influencé, exposé aux pensées de lamas bouddhistes tibétains qui ont essayé d'attacher un sentiment de bonheur et de joie à, dans le chocolat. Und das Ganze war ein Doppelblindversuch. Das heißt, weder die Versuchsleiter noch die Versuchspersonen wussten, ob sie Schokolade bekommen würden. Also es war sozusagen, alle bekamen die gleiche Schokolade. Und es wusste niemand, ob sie sozusagen Schokolade bekommen hatten, die positiv besprochen wurde, oder eine ganz normale Schokolade, die biochemisch genau gleich war. Bien entendu, cette expérience a été conduite selon des critères scientifiques draconiens et personne des deux groupes ne savait s'il allait recevoir du chocolat influencé positivement ou un chocolat quelconque c'était le même chocolat, sauf que l'un n'a été exposé qu'aux pensées. Et les personnes qui se sont prêtées à l'expérience ne savaient pas ce qu'ils allaient manger. Und das war eine Untersuchung über einen längeren Zeitraum und die mussten täglich, mussten sie sozusagen ihr emotionales Niveau mittels standardisierter Fragebogen bewerten. Et chaque groupe devait remplir quotidiennement, donc l'expérience a été prolongée sur une période plus étendue et chaque individu devait remplir un même questionnaire qui reflétait leur état émotionnel suite à l'ingestion de ces carrés de chocolat. Und obwohl sozusagen die Personen, die die besprochene Schokolade gegessen haben, nicht wussten, ob es jetzt eine besprochene oder eine nicht besprochene ist, hat sich statistisch ganz klar feststellen lassen, dass die besprochene Schokolade das Glücks- und Zufriedenheitsniveau gehoben hat. Et il est apparu avec une extrême clarté que le groupe qui avait mangé le chocolat influencé par des positives pensées de moines bouddhistes ont ressenti un degré de satisfaction beaucoup plus élevé que les autres et de bonheur de pouvoir le manger. Und der Untersuchungsleiter, der Dean Radin, von dem wir vorher schon gesprochen haben, meinte halt, wenn man diesen Effekt jetzt sozusagen ins Extrem treibt, dann wäre es vorstellbar, sozusagen, dass man das Nährende nur durch Bewusstsein zu sich führt. Wie bitte? Ja. Also wenn man diesen Effekt jetzt sozusagen extrapoliert, ja, dann wäre es vorstellbar, sozusagen, dass man sich alles Nährende nur durchs Bewusstsein holt. Also, dass man den Körper sozusagen nur durch gute Gedanken nähren kann. Aha. Et Dean, le docteur Dean Radin, qui a conduit cette expérience, affirme que en poussant ce phénomène jusque dans ses retranchements, on peut affirmer que la conscience peut mener à l'état où on peut se nourrir de par la conscience. Donc en état de prana. Et dans ce sens-là, bien entendu, alors ça m'a fait très plaisir de voir que tu allais faire un tour du côté de Rupert Sheldrake avec ses champs morphogénétiques, bien entendu, parce que là aussi, alors il faut s'intéresser aux travaux de Rupert Sheldrake, mais en tout cas, tu l'as interviewé pour justement que ce dernier puisse confirmer que nos pensées, consciente ou inconsciente, d'une certaine manière, influencent notre réalité et que ces pensées, elles ne sont pas anodines. Es hat ihn auch gefreut, dass du den Rupert Sheldrake interviewt hast, der ja behauptet, dass die Gedanken die Materie beeinflusst. Ja, der Rupert Sheldrake auch. Viel verblüffender sind allerdings, also ich finde Rupert Sheldrake auch unglaublich beeindruckend. Also il est très impressionné également par Rupert Sheldrake. Aber die verblüffendsten Untersuchungen dazu kommen von Professor Chan von der Princeton University. Mais l'expérience la plus spectaculaire vient du Dr. Yan à l'Université de Princeton, qui est dans les trois meilleurs au monde. Wo gezeigt wurde, dass durch das Bewusstsein tatsächlich Materie beeinflusst werden kann. Où il a été démontré et scientifiquement prouvé que la conscience peut influencer la matière sans lien apparent. C'est donc l'expérience qui est montrée dans le film où des individus essaient d'influencer une distribution gaussienne de petites boules tombant d'un même point et qui, normalement, selon le principe gaussien, s'accumule en formant une espèce de pyramide ou un triangle. Et l'individu doit essayer de cumuler les billes, les petites boules, à droite ou à gauche, donc ne pas aboutir à un triangle. Et ça fonctionne d'une manière spectaculaire. Et donc l'Université de Princeton a ainsi établi que l'esprit peut influencer la matière sans lien physique apparent, à distance. Et alors, il y a une autre expérience qu'on peut trouver sur Internet avec des poussins. Je ne sais pas si Peter auf dem Internet kann man auch ein anderes Experiment sichten mit Küken. Ja, ja. Ich konne. Ja, das, da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen dazu. Und zwar hat man Roboter gebaut, so wie Rasenroboter, die zufällige Bewegungen machen, und im Normalfall bewegen sich die natürlich gleichmäßig auf dem Untersuchungsfeld. Alors, effectivement, il a été mené une expérience où des robots construits à la manière de tondeuses de gazon se bougent d'une manière à peu près similaire. Aléatoire sur une surface voilà. Déterminée, un carré. Voilà. Und man hat jetzt folgenden Versuch gemacht, man hat frisch geschlüpfte Küken genommen und hat sozusagen diesen Rasenroboter als Mutter für dieses Küken etabliert. On a donc pris des poussins et dans un espace clos, on a essayé de remplacer ce robot, enfin d'attribuer une fonction de mère pour ces poussins à ce robot. Und man hat gesehen, dass das Küken offensichtlich mit seinen Gedanken den Roboter in die Nähe holen kann. Et on a constaté que les poussins sont capables de faire venir ce robot près d'eux. Aber ich habe zum Beispiel auch selbst am Institute of Noetic Sciences selbst einen unglaublichen Versuch miterlebt, der schon tausende Male wiederholt worden ist. Mais il a assisté à une expérience incroyable à l'Institut de Sciences Noétiques en Californie. Und zwar ist es ein Versuch, wo es um Precognition, also Vorahnung geht. C'est une expérience où il s'agit d'étudier l'anticipation, Precognition, l'anticipation. Oui. Und dieser Versuch ist folgendermaßen aufgebaut. Also es gibt ein standardisiertes Set von Fotos. Da gibt es aufregende Fotos und nicht aufregende Fotos. Et cet essai est construit de la manière suivante. Il y a un défilé de un diaporama, un défilé de photos. Et certaines photos sont émotionnellement perturbantes, fortes. Also man sieht zum Beispiel den Busen einer Frau, wo sich ein Mann drüber beugt. Das ist ein erregendes Foto. On voit par exemple une poitrine une belle poitrine d'une femme avec un homme qui se penche dessus, donc c'est une photo plutôt stimulante. Und eine Mauer mit einem Kleeblatt drauf, das ist langweilig. Et une autre photo où on voit un mur avec comment on appelle ces feuilles porte-bonheur quand il y en a quatre. Oui, un trèfle à quatre feuilles. Un trèfle où on voit un trèfle à trois feuilles, c'est une photo ennuyeuse. Und man ist die ganze Zeit angeschlossen an einem Hautwiderstandsmessgerät. Et tout ce temps-là, on est relié à un détecteur d'émotion qui est branché sur la main. Durch den Mikroschweiß kann man ganz schnell feststellen, ob etwas erregend ist oder nicht. Also wenn der Busen kommt, dann hat man so einen Ausschlag. Et on peut détecter très facilement par la sueur microscopique si on a des émotions ou pas. Lorsqu'on voit les seins, différentes photos, on émet et le mur. Und bei der Mauer ist es relativ flach. Und der Versuchsaufbau ist jetzt folgender. Et l'expérience est conduite de telle manière. Der Computer wählt per Zufallsgenerator Bilder aus. L'ordinateur choisit aléatoirement les images. Die Versuchsperson ist die ganze Zeit an diesem Hautwiderstandsmessgerät angeschlossen. La personne est reliée en permanence avec le détecteur de sudation. Oui. Man drückt auf einen Knopf. On pousse un bouton. Dann vergehen 3 Sekunden. 3 secondes, wo nichts passiert, où il n'y a rien. Rein vom Computer her. Und dann wählt der Computer per Zufallsgenerator ein Bild aus. Et après ces 3 secondes, l'ordinateur choisit aléatoirement une image. Und das Spannende ist jetzt, in diesen 3 Sekunden, bevor der Computer erst das Bild auswählt, weiß der Körper aus irgendeinem Grund, welches Bild nachher kommen wird. Das heißt, in diesen 3 Sekunden, wenn nachher der Busen kommt, hat man vorher einen kleinen Ausschlag und dann kommt tatsächlich dieses Bild. Man weiß nicht wieso, weil ja noch nicht einmal der Computer weiß, welches Bild kommt. Et le côté sensationnel de cette expérience est dans le fait que le détecteur de sudation, d'émotion enregistre une variation du corps qui s'est pendant ces 3 secondes, il se passe rien, donc aucune photo, avant que l'ordinateur choisisse la photo d'une manière aléatoire, personne ne peut savoir ce qui va arriver, le corps réagit déjà comme s'il savait quelle photo va arriver, à savoir si c'est les seins, il a déjà un sommet d'enregistrement, et une fois que la photo apparaît, il monte encore plus haut. Et si c'est le mur, c'est plat. Donc, avant même que l'ordinateur choisisse... Es ist nach der klassischen Wissenschaft nicht erklärbar. Ce phénomène n'est pas explicable avec la science classique. Es wurde zigtausendmal durchgeführt und es ist statistisch einwandfrei belegt, dass dieses Phänomen da ist. Et l'expérience a été reconduite des milliers de fois et il est irréfutable qu'il y a réellement une prémonition, une préconition, du phénomène. Et le phénomène est validé, mais on ne peut pas l'expliquer. Und das spricht natürlich das an, was wir als Intuition bezeichnen. Ce qui fait allusion à ce que nous considérons comme l'intuition. Bei diesen Versuchen wurden ganz normale Menschen verwendet, also nicht Hellseher oder irgendwas. Pour l'expérience, on a surtout confronté des individus tout à fait normaux, pas ni médium, ni dans la voyance, etc. Diese Intuition hat jeder Mensch bis zu einem gewissen Grad. Cette intuition fait partie et est attribuable à tout homme à un certain degré. Und während das in der klassischen Wissenschaft nicht erklärbar ist, gibt es zum Beispiel, der Psychologe C.G. Jung hat gemeinsam mit dem Quantenphysiker Pauli, alors qu'il n'y a pas d'explication dans la science académique classique, il y a Jung, C.G. Jung, et C.G. Jung et Pauli, genau. Un physicien quantique, die haben ein neues Erklärungsmodell gefunden, wo es so etwas wie Synchronizitäten gibt. Qui ont proposé un modèle explicatif basé sur la synchronicité. Und das erklärt viele Dinge, also die sonst nur als anekdotische Phänomene erklärt werden. Also wenn et man qui arrive à expliquer beaucoup de phénomènes qui autrement ne sont considérés que à un niveau anecdotique. Also wenn jemand dringend die Lösung für ein Problem sucht und man greift ein Buch raus und plötzlich hat man die Lösung. Comme par exemple lorsque on cherche d'urgence une solution et on prend n'importe quel livre dans une bibliothèque, on ouvre n'importe quelle page et on trouve la solution. Dann wird heute gesagt, es ist Zufall. Aujourd'hui, on répond, c'est le hasard. Solche Geschichten gibt es tausende. Et oder des histoires de cette sorte, il y en a des milliers. Aber in diesem Versuch sozusagen wurde das wissenschaftlich untersucht. Mais dans cette expérience, ils l'ont étudié scientifiquement. Und solche Untersuchungen zeigen, dass unser klassisches Weltbild lückenhaft ist. Et les expériences de ce genre montrent que notre modèle explicatif du monde, de la réalité, a des sérieuses lacunes. Und da habe ich nur in meiner Recherche jetzt so unfassbar viele Beispiele gefunden. Et uniquement dans la recherche de Peter, il a trouvé tellement d'exemples, die von der klassischen Wissenschaft einfach ignoriert werden, weil sie nicht in das gängige Modell passen. Qui sont tout simplement ignorés par la physique classique parce que ils ne correspondent pas à leur modèle. Die Menschen ohne Gehirn zum Beispiel. Les hommes sans cerveau. Es gibt Untersuchungen in den 80er Jahren, hat Professor John Lorber. Il y a des recherches du professeur John Lorber dans les années 80, mehrere hundert Fälle von Menschen dokumentiert, qui a documenté plus d'une centaine de cas d'êtres humains, die praktisch kein Gehirn haben. Qui n'avaient quasiment aucun cerveau. Es gibt Menschen, die haben der Schädel zu 95% nur mit Gehirnflüssigkeit gefüllt. Et leur boîte crânienne n'est remplie que de liquide à 95%. Ein großer Teil von diesen Menschen ist schwer behindert. Une majeure partie de ces gens sont gravement handicapés. Und dann gibt es aber solche, die sozusagen nur 5% der gängigen Gehirnmasse haben und trotzdem normal intelligent sind. Et il y a une grande minorité, environ 5%, qui ont une vie et une activité cérébrale normale, alors qu'ils n'ont que moins de 5% d'activité cérébrale. De cerveau. Non, de cerveau. C'est rempli de liquide, mais il n'y a pas de cerveau. It's empty. C'est vide. Ils n'ont que 5% du cerveau et pourtant ils mènent une vie tout à fait normale et ils ont une intelligence normale. Dieser Professor John Lorber ist auf diesen ist auf dieses Phänomen deswegen gestoßen, weil ein Mathematikstudent zu ihm mit Kopfschmerzen gekommen ist. Ce professeur John Lorber s'est penché sur ce phénomène uniquement parce que un étudiant de mathématiques l'a approché et lui a fait part de maux de tête terribles. Es wurde dann eine Computertomographie gemacht. Il a été pratiqué une tomographie d'ordinateur, un scanner. Und der Schädel war praktisch leer. Also es war nur Flüssigkeit drin. Ils ont découvert que sa boîte crânienne était vide. Il n'y avait que du liquide. Ich selbst bin auf dieses Phänomen gestoßen, weil ich im Internet die Geschichte eines Beamten aus Marseille gelesen habe. Peter a été confronté à ce phénomène lorsqu'il a lu sur Internet l'histoire d'un employé de Marseille. Der ist auch mit Kopfschmerzen ins Krankenhaus gegangen. Qui s'est rendu dans un hôpital avec des maux de tête. Computertomographie. Scanner. Kein Hirn. Pas de cerveau. Nur 5%. Das uniquement sind 5%. Nur wenige Millimeter am Rand. Quelques millimètres sur le bord de la boîte crânienne. Und nachdem ich mich ja sozusagen beschäftigt habe, wo kommt Bewusstsein her, kommt es aus dem Gehirn oder nicht? Et comme il recherchait d'où pourrait donc venir la conscience, habe ich weiter recherchiert, weil zuerst glaubt man, man glaubt, das ist ein April-Scherz. Et on pense que c'est un poisson d'avril. Wenn man so etwas liest, ich habe das normal im Online-Dienst des österreichischen Rundfunks gelesen und normalerweise klickt man weiter und denkt sich so ein Blödsinn. Lorsqu'on lit ça sur Internet, on dit bon, bah, ça va quoi, hein, allez, prochain, c'est pas pour raconter n'importe quoi. C'est énorme. Ouais. Und ich habe aber dann weiter recherchiert und habe dann einen deutschen Neurowissenschaftler gefunden. Mais il a continué la recherche et a découvert un scientifique, un neurologue allemand. Und habe gefragt, ob das jetzt ein Scherz ist oder ob es dieses Phänomen si wirklich gibt. Une farce, ouais. Ou si c'est sérieux. Und der hat mir dann eben von diesem Professor John Lorber. Et c'est lui qui lui a mentionné le professeur John Lorber. Da gibt's auch einen Artikel, der sogar in Science veröffentlicht worden ist. Et il y a eu une publication dans Science. Heißt How much brain is really necessary? Et qui l'article est titré Combien de cerveau est-il nécessaire pour avoir conscience ou pouvoir vivre? Und man fragt sich natürlich, wenn es hier normal intelligente Menschen gibt, die praktisch kein Gehirn haben, was ist mit diesen ganzen Erkenntnissen der Neurowissenschaftler, die mir erklären, da ist das Sexualzentrum und da ist das Sehzentrum. Évidemment que la grande question qui s'impose en premier est que faire de toutes ces connaissances neurologiques qui attribuent à certaines zones du cerveau l'activité des pensées sexuelles, etc., etc. Und da zeigt sich eben, es gibt derartig viele Phänomene, die werden, wenn sie nicht in das klassische Modell passen, einfach ignoriert. Tout cela pour dire, tous ces phénomènes qui existent sont systématiquement écartés, réduits comme tromperie ou comme farce, parce qu'il ne rentre pas dans le schéma explicatif classique des sciences. Und die Lichtnahrung ist eben nur eines dieser Beispiele. Et le fait de vivre de lumière, donc du prana, n'est qu'un exemple parmi tout cela. Et le film est avant tout une remise en question de, du modèle explicatif mécanique physique du monde. Und mir ist es eben sozusagen, die Lichtnahrung dient im Film nur als roter Faden. Also ich will eben niemanden dazu überreden, nichts mehr zu essen, sondern ich wollte ihm nur anhand dieses Beispiels zeigen, dass unser westliches Weltbild lückenhaft ist. Et la nourriture pranique ne sert que de fil conducteur pour expliciter le fait que les sciences sont arrivées à la limite comme moyen d'expliquer la réalité et le monde, qu'il y a besoin d'ouverture. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant, 95.2 par Île-de-France, ici et maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Aujourd'hui, Yann Roulof avec nous pour représenter Jupiter Film Production. Jupiter Film, le site internet www.jupiter-film au pluriel.com. C'est eux qui nous ont permis d'avoir mis la répa sur nos salles de cinéma et est sorti hier le film Lumière dont nous avons parlé pendant depuis 14 heures pour vous dire. Le film de Peter Arthur Straubinger, Lumière, sur ceux et celles qui, dans notre monde, sur cette terre, vivent de prana, de lumière. De qui, voilà ce dont nous avons parlé, émission qui est enregistrée en vidéo et qui sera disponible en fin de journée sur le site de la radio. Que dire ? Eh bien que le film, il est dans trois salles sur Paris, et notamment il passe ce soir à l'Arlequin, le cinéma L'Arlequin, à 20h30, au 76 rue de Rennes, dans le 6e arrondissement à Paris, et qu'il y a, suite à la projection du film, eh bien un débat, questions, réponses. Peter sera présent pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à vous y rendre et à voir ce film, il est extraordinaire. Vraiment un très grand merci à vous deux. Oui Yann ? Je voudrais juste ajouter que pour les gens qui ne sont pas disponibles pour venir au débat ce soir à 20h30 à l'Arlequin, il y a le dernier débat avec Peter Arthur Straubinger le dimanche matin à 11h au Publicis à l'Étoile. Au Publicis à l'Étoile à 11h, très bien. C'est 11h après le film ou c'est 11h le film, la projection ? 11h le film commence, 11h du matin le film commence. Et le débat aura lieu 1h30 après. Yann, un grand merci pour avoir fait la traduction. Je sais que ce n'est pas évident pour expérience. Vraiment, un très grand merci. C'est de l'endurance. Peter, it was a real pleasure to have you in this show and to you answer to my questions. Thank you for giving me the chance to speak about it. Et un grand merci à Radio Ici et Maintenant et à Laurent et toute l'équipe formidable de nous avoir accueillis. Yeah, it's great that there is a radio station in Paris which deals with this subject. So et c'est fabuleux, dit Peter, qu'il y ait une radio à Paris qui se passionne pour ces sujets, parce que c'est un phénomène très rare aussi, qui n'est pas forcément présent dans d'autres pays. Merci beaucoup Peter. Merci. Yann, on aura l'occasion de se revoir parce que des nombreux films que Jupiter Film sort, eh bien, puisque ce sont des films spirituels, on aura l'occasion d'en parler dans les semaines, mois à venir. Un grand merci donc. Avec un très grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée messieurs et à une prochaine fois. Bye. Bye bye. Bye bye. La suite de nos programmes avec le magazine Santé et Spiritualité d'ici quelques instants. Je vous retrouve donc tout de suite. Et en attendant, bien entendu, et bien un peu de musique. À tout de suite. Nous avons constaté que nombre d'auditeurs ignorent qu'il est possible de se procurer des émissions de la radio au format MP3 sur CD-ROM. Il en existe des milliers qu'on peut découvrir sur ici-et-maintenant.com. Cliquez sur Archives, puis Catalogue, depuis la page d'accueil. L'enregistrement que vous venez d'écouter est disponible en accès libre sur plusconscient.net. PLUSCONSCIENT.net. Notre objectif est de proposer une sélection de fichiers audio dans différents domaines tels que le réchauffement climatique, le pic pétrolier, les menaces qui pèsent sur la civilisation ou encore la spiritualité. Notre but, contribuer à la prise de conscience de chacun, première et nécessaire étape des changements requis face aux grands problèmes de notre temps. Si vous souhaitez partager une réflexion que vous inspire cet enregistrement, un lien ou tout autre matériel en rapport, faites bénéficier la communauté de votre précieuse contribution. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'échange de la plateforme pour cela. Merci de votre écoute. Thank you.